Il pose sa voix sur quoi? Quel genre de musique? Bah, il fait sa propre musique, il fait ses propres singles, il me semble qu'il prépare un album. Qui ressemble à quoi? Qui ressemble, bah, c'est un style un peu blues. Ouais, il a une voix à faire du blues. Country, moi j'aurais dit. Ouais, ouais, non, c'est très cool ce qu'il fait. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, c'est Jamie & Commons et c'est super. Parle pas beaucoup, mais il a l'air sympa. Bah, il comprend pas. Why you don't speak French? London is not so far away. My girlfriend grew up in Paris, so I should. Yes, she's teaching me. Sa copine, elle a grandi à Paris. Ah, allez, and you say just bonjour. Yeah. Il fait pas de En fait, il n'écoute pas, il fait comme nous. Years. Personne n'écoute sa copine. 5 ans. Putain, ça fait 5 ans. You're with your friend since 5 years? Et wow. Pas un mot français. And you said just bonjour. Oh, 5 ans. Ouais. 5 ans, il sait 5 ans. So, okay. So you never listen to your girlfriend. Non, bah, comme tout le monde. Like everybody. Like everybody. Les gars, là. On se fait le titre en live. Allez, le public, levez-vous. Là, vous me sortez les mains des poches. On va se faire le mix avec Kungs. Là, c'est comme si vous étiez à Ibiza, mais vous êtes ici chez nous. Mets-toi en place. Notre chanteur va se mettre en place et on va se faire le morceau. Let's go. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour ce soir, le live de Kungs. Comme cet été, comme à Ibiza, mais ici de notre studio, à Energy. C'est ici que ça se passe à partir de 22h. Le tour est fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. C'est ici que ça se passe, c'est pas sur YouTube, les mecs, c'est à la radio. Guillaume Radio 2.0 de 22h à 1h. Première radio de France dès 22h. Bing, bing, bing, c'est parti. Soyez les bienvenus. Si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes à la maison, hein, comme chaque soir, hein, dès 22h. c'est gratuit. Le standard change, 0800 70 42 48 depuis un fixe. Les SMS sont vraiment lus à partir de 22h. Guillaume au début du texto, et vous l'envoyez au 6 11 12 avec plaisir si vous voulez balancer une petite dédicace sans problème, les gars. Guim, c'est Jules. Je garde la foi, je suis le chasseur, c'est la proie. Ouais, ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Enfin, ça a commencé, je vous attendais. Salut Quentin de Mesda. Ça se dit Mesda, il n'y a pas de problème. L'émission d'hier était vraiment énorme comme tous les soirs. Vous déchirez, je vous aime, bonsoir Amandine. Écoute, j'espère qu'on va remettre ça ce soir. J'entends déjà un souffle essoufflé. Ça s'en va et ça revient. C'est Sofiane au stand. Ah oui, Sofiane de Lille, Gabelle du stand 39. Sans populaire. Ça va ou quoi, gros? C'est qui, papa? Ça va ou quoi? Enchanté, Soso. Enchanté, très bien, très bien. Je veux dire bonsoir à l'équipe aussi. Ils sont en train de s'installer, ils sont tout beaux en plus. Ils sont mis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. JM du standard devient coquet. Salut Guillaume. Ah, JM du standard se coquette un peu là. Ouais, on essaye. Il est en train de devenir une belle gonzesse là. Non. On y en a une blague ou pas pour 22h? On a la blague. JM, Guillaume, notre standardiste. Ouais. Hein. Il a 30 ans à minuit. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est son anniversaire, ça le fait chier, je peux dire. Ouais, il est déprimé. Ouais, ouais, un peu. Ouais. Ça va, j'ai stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume. Salut tout le monde. Ah, pas de blague, pas de chocolat ce soir pour le chocolat dans le sac. C'est bien qu'on le fasse une fois. Oui, il faut. Qu'on reprenne les blagues de Julien Stagiaire. Ah bah si tu veux. Mais... Parce que vous avez peut-être pas vu. Julien Stagiaire, quand il est arrivé énergie, il sortait une blague par jour. Les amis, c'était des blagues de merde. Hein, ah ouais. Tu te moques de moi. Mais c'était. Bah non, mais c'est tout le monde qui se moquait de toi, c'est pas bah moi. Oui, hein. Mais bon, c'est. Oh là là, c'était un niveau, mais c'était génial. On va la refaire, je pense, la blague de JM du Sandin, la blague de Julien Stagiaire. Hein. Le battle de l'humour. C'est quoi, demain, il y a Jeff Panaclock qui vient. Il a fait sa blague de merde, Nico. Voilà, avec Jean-Marc, son singe. Et ben demain soir, vous savez quoi, il va co-animer l'émission avec moi. Je vais relancer le battle de l'humour demain. Ah. Hashtag anus ouvert de JM. Non, je vais le démonter. Ah ouais, franchement, par un singe, Jeff Panaclock est extrêmement drôle. Ouais. Et je pense qu'il va te retourner. Mais là, je te souhaite le meilleur et je suis plaisir. Avec toi, JM. Ouais, un gros match, Guillaume. Je défends ma team. On est là. Et je crois que Jean-Marc va être très très fort demain. Bah, ils sont deux. Il n'y aura pas qu'un seul Jean-Marc qui sera fort demain. Oh il s'appelle Jean-Marc aussi, JM aussi, du standard. Ça va, Julia? Ça va super, Guillaume. Oui, très bien, bonsoir. Bonsoir, Flo des cadeaux. Bonsoir. Salut, Guillaume. Bonsoir. Salut, salut. Bon, tu vas venir dire un bisou, hein, comme Flo des cadeaux. Salut tout le monde. Tu vas venir comme Julia. Salut, Guillaume. Eh ben, vous êtes les bienvenus aussi, Guillaume. Et votre message aussi, sans os. Du coup, c'est allumé, c'est gratuit. Guillaume, au début du texto, par contre, hein, si vous voulez passer par un SMS, il faut vraiment commencer les textos par Guillaume, sinon ils n'arriveront pas dans mon studio. Je précise ça parce que chaque soir, je me prends des mails. Wesh, pourquoi ça marche pas? Ouais. Wesh, pourquoi tu lis pas PD? Je pas, bata. C'est le genre de message que je reçois à longueur de journée. Ouais, c'est amical. Donc c'est Guillaume au début du texto et vous l'envoyez au 6 11 12. J'adore Jeff Panaclock. J'aurais kiffé venir dans les studios et lâcher un jeu. Ah bah alors dis-moi, Augustin, avec plaisir. Nous, il y a pas de machin, machin. C'est tout le monde est le bienvenu. Hein. C'est la maison, c'est la radio du bonheur. Et si je peux te dire, mon gars, 22h minuit, c'est vraiment ça. Vous êtes super. Je vous écoute tous les soirs. Hello la team. Enfin, salut Zeina. Salut. Dédicace au collège Romain Roland de Poutivy. Salut Mathis du 56. À Hippocagne de Poitiers. Merci beaucoup pour ta réponse à mon Facebook. Salut Eric de Vigneux. Bah, je réponds toujours aux messages privés ou j'essaye en tout cas de répondre au maximum, bien sûr. Merci à toi de m'écrire, Faro, c'est gentil, hein, en tout cas. Salut à Paul Paturo, voilà, message. J'étais sûr, tu as bugué, Quentin Mesdag. Ah oui, sur le nom de ta ville. Je t'aime comme un fou, mon cœur, Guillaume du 44. Bonsoir à toute l'équipe, c'est qui le papa? Salut les gars. Eh ben, c'est parti. C'est qui le papa? Oh, ouais. C'est un élan. Mets-moi la chanson d'M Pokora au même endroit. JM du standard. Ouais, si tu veux regarder, Au même moment de. Cette année-là. Ah, il pousse plus avec sa voix. Hein. Bah oui, Pokora. Non, Claude François. Mais là, c'est Claude François. J'ai pas l'oreille musicale. Ah oui, j'ai cramé. Non, mais ton voix qui fait. Ouais, il va plus loin que Pokora. Cette année-là. Quel choix d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui cassent les fauteuils. Salut, je voulais savoir si tu prenais des troisièmes pour les stages, bien sûr, les mecs. T'es énorme, sérieux, je t'écoute tous les soirs. Merci, mon Joseph, salut. Hein. Les messages qui font plaisir, on se retrouve, les frérots. Guillaume et votre texto après les cours, après le boulot, c'est ici que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Je sais pas à quel moment c'est. Hein. Mais non, mais mets-moi là, dans l'ordinateur. Pas sur YouTube. Oh, voilà. C'est moi qui vais l'envoyer, je veux comparer. Il comprend rien, Guillaume Sandard. Bah ouais, mais c'est pas sa soirée, là. Ah, c'est. Ah, non. On l'a perdu. C'est ta dernière soirée à 29 ans et. Concombre en balai, ça ne rate pas. Concombre en balai. C'est ce qui arrive. C'est pas grave. Concombre en balai. Non, il n'est pas concombre en balai du tout. C'est juste qu'il est parfois, il ne prend pas tout. Non, Justicière, tu fais pour l'anniversaire. C'est un anniversaire. Justicière, tu ne dis pas ça. C'est ton cadeau. Excuse-moi, Sofiane, j'ai une équipe aujourd'hui qui est hormonée. Justicière, un peu hormonée là. Bonsoir à toi, bon anniversaire à JM du Standard, le seul homme à se faire sauter trois fois par jour. Si, mais non, je ne veux pas sauter, tu comprends. Hier, on a mis le hashtag Claude François chez Guillaume. Hashtag Claude François chez Guillaume. Le c'est marrant et à l'ancienne. Ça, j'ai récupéré fort. L'album, les gars. On se fera Snake hein, pour de vrai, par contre. Je trouve une fille super mignonne, je sais pas comment lui dire, je bloque. Ah, alors laisse ton numéro, mon Valentin. Comme vous voulez passer vraiment Guillaume et votre message, hein, voilà, votre petite dédicace. C'est marrant à faire, vous voulez passer un message à l'antenne, là. Guillaume et votre message, vous me l'envoyez au 612. Vous commencez le texto par Guillaume pour qu'il arrive ici. Salut à Sarah du 07, merci de nous faire chaque soir en rentrant. J'avoue, écoutez, en rentrant chez moi, merci de me faire à chaque soir. Salut Sarah, c'est sympa. Salut, bisous. Moi, j'ai une journée galère, je me suis fait renverser ce matin. Salut à toi. Merde. Putain, moi aussi, il y a une connasse, là. J'étais en moto, elle a grillé le feu rouge. Encore ? En scooter, aujourd'hui. Et m'est passé, franchement, je devais être à 70 en ville. Oh là là. Ouais, t'as eu du cul. Hein. Et m'est passé, franchement, à un mètre derrière moi. J'ai pilé, elle aussi, et on a failli se taper. Et je l'ai vu, j'ai vu ses yeux, j'ai vu le blanc de ses yeux. Ah ouais. Et elle est passée à ras derrière moi, comme ça. Connasse, je me suis retourné. T'as deux jours d'affilée. Je lui ai fait un gros doigt. Elle s'est pas arrêtée ? Bah oui. Non, elle s'est pas arrêtée. Ah ouais. Tu sais, une connasse de femme d'affaires, là. Ouais. Une connasse de femme d'affaires qui working se croit tout permis. Ouais. Non, mais une salope, vraiment, parce que. Non, mais vous savez pourquoi ? Parce que s'il y a des gens qui meurent à cause de connasse comme ça, tout ça pour gagner deux minutes à son rendez-vous. Au feu, ouais. Mais quand je vous dis non, mais là où je la traite de connasse, c'est qu'elle a pas grillé le feu, genre elle a pas ralenti, elle a tracé, la meuf. Genre ça se voyait, c'était une meuf, elle était en costard, en tailleur. Ouais. Mais tu grilles pas un putain de feu rouge pour gagner une minute, quoi. Grave, en scooter. Franchement, en non, mais franchement, c'est comme ça que tu meurs. Même en voiture. Ta vie, attends. Ah, mais non, mais les deux, bien sûr. Oui. Hein. Voilà, je me suis dit que. Tu fous de gueule. Tous les soirs, on commence. Cette année là là, quoi. Bon, mon Soso, alors. Soso, il a 18 ans. Il est lillois, Soso. Il est Soso. Ouais, je viens du Nord. Très bien. Le 5-9. Eh ben, félicitations. Et tu parles toujours comme ça. Je mange des pancakes. Des bons pancakes. Il y a Renoir qui fait une vidéo comme ça sur YouTube où il est comme ça. Oui. C'est bon. Ah oui, avec le poulet, là. Ouais, voilà, le poulet. Hein, le jus d'orange. Oh, voilà. On va tous les faire avec J'aime Sandra. Ouais. Première fois que je vous écoute, mais j'aime déjà beaucoup les 5 premières minutes. Bonne émission. Salut Laura de Toulouse. Ah, salut. Merci, merci d'arriver en masse les gars, ça fait plaisir. Tous les jours vous êtes hyper nombreux à arriver, ça fait trop plaisir les gars. Alors en tout cas tu travailles dans quoi toi Sofiane du coup là ? Je suis étudiant encore, j'ai 18 ans. D'accord, ok, 18 ans, en quelle classe tu es ? Je fais un CFA en fait, en alternance. D'accord, bon bah vas-y, bon, chantez. Hein. CFA quoi ? Restauration ? Vente ? Très bien. Attends, j'ai juste récupéré Pokora pour comparer les deux. Dites-moi lequel vous préférez ? C'est Pokora. Dans le ciel passait une musique. Attends. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Quelle année, cette année-là. Cette année-là. Quel choix d'être l'idole des jeunes. On entend plus sa voix, non ? Ouais, à Claude François. À Claude François. Bah oui, c'est moins de voix déjà. Attends, mais putain, le problème c'est que moi je voulais voir Spoutnik, je voulais qu'il me le mette au même. Mais il le dit pas, Spoutnik, si. Pour moi, un texto, j'aime du ça, et tu me demandes que mon Guigui de la régie là, dans le bureau. C'est même pas, il le mette. Bah oui, c'est pris. Cette année-là, quel choix. Attends, je vais vous le mettre en même temps, regarde. Attends, je prends la bonne de Pokora. Je crois que c'est là. Que Westside battait tous les records. C'est là. Oh putain, c'est relou. Bon, t'es pas grave. Attends. En même temps, ça m'a un peu les couilles, non? Ah, c'est là. Mais non, il n'y a que lui qui dit Spoutnik, bah, c'est pas ça. Il dit l'idole des jeunes qui casse les sièges, c'est il a changé les paroles, Bocora, je pense. Mais non, il a le droit. Il peut changer, c'est une reprise. Mais c'est exactement les mêmes paroles. Yannick, il a fait pareil. Il a changé les paroles. Qu'est-ce que tu dis? Je crois. Juste déjà, il bug. N'oubliez pas les paroles. Mais non, pas du tout. N'importe quoi. Je vais faire ma gueule. Cette année-là, quel choix d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. C'est le vrai à l'ancien. J'ai découvert mon premier, mon dernier rameau. Salut Guillaume, JM était chez le médecin, il a prescrit matin, midi, soir une gorge profonde du milieu de dialogue. Désolé, je sais pas ce que je vous ai fait. Essaye de dire je veux et j'exige des excuses exquises. Salut à toi. Là. Salut. Oh, bonsoir, attends, pourquoi j'ai stagiaire, il est toujours sur nous, je viens stagiaire, Mélanie du Chalon-sur-Saône. Ah, salut Mélanie. Parce qu'il est arrivé en tant que stagiaire, voilà. Et voilà. Pourquoi je viens toujours sur nous. Bonsoir Thomas 27, le meilleur équipe est enfin là, 2 heures de foire, je vous kiffe trop. Bonsoir Riyad Da Silva. Salut Riyad Da Silva. Salut. Attention. On a dit adieu à Marilyn. Attends, faut que tu me le retrouves, j'aime ça. J'ai demandé, Guillaume. Tu me le mets au niveau de la phrase de Spoutnik. Ouais. À Spoutnik ou là parce que non, Spoutnik. C'est le mot. Non, il est déjà en train de m'embrouiller, il a déjà pas envoyé la première fois, j'ai demandé Spoutnik. Il gagne du temps, là. Tu l'as dit. Je voulais montrer. Quelle joie d'être l'idole des jeunes. Ah, ouais. Ouais, mais je veux Spoutnik, moi. D'accord. Et après, les deux, ils nous font les deux. Moi, je fais une étude de marché. Cette année-là, Alexandra. Vas-y, je veux tout savoir. Bon, Soso, t'as une meuf, t'es comment toi? Célibataire à Lille, t'es quoi là? Ouais, je suis célibataire, ça fait depuis 18 ans maintenant. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc t'imagines que t'attends la gonzesse comme le retour de Jésus, quoi. La princesse, quoi. Ah ouais, putain, la première fois, on a vraiment extrêmement envie de. Ah ouais, non, t'as déjà eu une petite meuf un peu, même sans Ken ou. Ah, je cherche la bonne, ça c'est pour tes parents, c'est ouais. Ça, c'est pour la version ouais. Officielle, ça, officielle. Non, moi, je te parle. Non, pas mais sérieux. T'as une gonzesse ou. Non, vraiment rien pour toi. Non, en vrai, j'en ai plus depuis un moment. Ouais. Ouais, t'as pas encore Ken quoi, mais c'est pas grave, ça va arriver. Hein. J'attends Julien. Bah ouais. Non, mais je suis pas une fille, mec. Mais à mon avis, il pourra débuter avec sa bouche. Bah oui. C'est mes qui est arrivé. Non, on dit pas ça. C'est California, ce que nous enseignent nos parents est au funérarium. Dans tous les ghettos, c'est la guerre territoriale. La prison, les hôpitaux, le céleste, le valium. Y'a le nouveau Jules qui est sorti. Ouais. Dans le gamos, c'est le son des bratos. Tu m'en quittes, t'envoies un album gratos. Si je t'ai tracé les jambes comme Sergio Ramos, tu veux du rap, du flow, amigo Ramos. Il est pas génial, hein. Bah là, il fait un peu bad boy là. Ouais, super. Ouais. Il a sorti deux. C'est lui, peut-être. Lui, il est bien. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. À ce qui paraît, j'ai pris la grosse tête. À ce qui paraît, je fais le mac. À ce qui paraît, on m'achète. À ce qui paraît, on me traque. À ce qui te fait trop de manières, je veux niquer. Ça peut être vite fatiguant, non? Ouais, ah, ouais, ouais. Bon, alors, excuse-moi, Sofiane, je me concentre. Oh, l'ambiance. C'est glauque. Nous allons gorger un poulet. Toujours fidèle à votre émission, les gars, vous êtes les meilleurs. Dédicaces à la 3ème 3 du Bois d'Ouin. Salut Guillaume, est-ce que t'as essayé FIFA 17? Il est bien. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure, il est énorme. On marque pas de but par contre, c'est relou. Mais c'est ça qui est bien en fait. C'est relou, tu marques pas quand même. Non, mais du coup, en fait, tu vas marquer un ou deux buts maximum par match, mais c'est ça qui est chambé quoi. En tout cas, enchanté mon Soso. T'avais un achat qui fait bien devant ses potes. Qu'est-ce que t'as acheté? En fait, à chaque fois que je vais acheter, ben, que je vois mes potes qu'ils ont un truc ou quoi, ben, je veux aussi acheter le même, tu vois. Ouais. Ah, donc, comme là, ils ont acheté le dernier téléphone qui vient de sortir. Ouais. Et ce que j'ai fait, ben, juste pour être comme eux, pour les suivre et tout, pour être pareil, j'ai fait la même chose, quoi. Ouais. Et c'est clair, c'est l'iPhone 7, en gros, quoi. Ouais. Ouais. En plus, parlons vrai, quoi. Ouais, l'iPhone 7. Et alors, attends, il est comment enfin, est-ce qu'il y en a qui l'ont, l'iPhone 7, là? Pas encore. Est-ce que l'un d'entre vous l'a mais si, je sais pas si c'est physiquement, je peux pas l'avoir. Si, je crois qu'on peut l'avoir. Ah ouais? Ils l'ont mais commandé, si, ils l'ont. Si, si, ouais, il fallait le commander sur Internet. Il y avait les précommandes, ouais. Et il y a eu les précommandes. Non, mais je crois qu'il est arrivé. Est-ce qu'il est bien ou il vaut pas le coup? Franchement, pour le prix, j'espère que ça vaut le coup. Guillaume, et votre message 612, est-ce qu'il est. Maintenant, on peut régler, depuis la mise à jour, l'intensité de la lumière de l'iPhone. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut mettre faible, on peut mettre flash, moyen, de la lumière ou fort. Voilà, on peut régler un petit peu le. Voilà. Je sais pas, ouais, c'est léger. Non, mais non, il y a des petits détails comme ça qu'ils ont mis à jour après. Non, mais ça, c'est juste sur le mien, c'était une mise à jour. Ils ont mis des mises à jour, mais est-ce que c'est mieux le 7 vraiment ou c'est ça ne mérite pas non plus C'est pour l'avoir après, tu vois. C'est les meilleurs, les gars, merci mon Erwan. Hein. Big up à tous les pompiers de France qui sont de garde cette nuit. Salut Yorks 46. Salut. Solène de Cherbourg après mon concours de gendarme et 6 heures de route, tu imagines, je suis contente de t'entendre. Salut ma chérie, bonsoir Solène. J'espère que ça s'est bien passé ce matin. Merci de me divertir à toi pour l'émission. C'est sympa ça, Florent. Salut. Salut, 3 du Bois Noir et tout le monde. Sofiane, tu voulais t'acheter l'iPhone 7 parce que t'aimes bien les iPhone 7 ? Ben ouais, ça dépend quoi. C'est, ça m'intéresse quoi. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans l'iPhone 7 ? Le fait de pouvoir envoyer Claude-François, c'est relou quoi. Non, mais c'est quoi, je veux dire, pourquoi? Parce que t'es attiré en général par les nouveaux trucs. Moi j'ai des potes qui sont comme ça, dès qu'il y a un nouveau truc, ils ont besoin d'aller l'acheter. Même les baskets, genre. Ouais. J'ai un pote, c'est pour vous dire, j'ai pas. Voilà. Il a 5 Apple Watch. Mais ça sert à quoi? Il a acheté les 5 Apple Watch. J'ai un ami qui est fan d'Apple, il met toutes ses thunes dans Apple. Ça coûte cher. Et il économise toute l'année et il attend son Apple Watch, il attend son iPad, il attend son Mac. Il est un peu riche ou? Et non, pas du tout, c'est juste qu'il met en fait tout son oseille dedans. C'est un pote qui a Perpignan et à chaque fois que je descends et je dis, mais c'est la même, il dit, non, non, c'est la nouvelle, ça les parle. Et il les garde. Et, et l'autre jour, j'arrive et il me fait écouter, il appuie, en fait, maintenant, t'as Mickey qui dit bonjour. Et en fait, quand tu double tapes, ça fait, il est 13h12. Salut, c'est Mickey, il est 13h12. C'est la montre qui parle. Ah ouais, c'est la montre qui parle. Et en fait, il y a genre une amélioration, mais qui est vraiment bénigne, quoi, vraiment quasiment rien. Et ben les mecs, ils vont mettre 1000€ dans une montre parce qu'elle parle et qu'ils veulent. Non, il y a des vrais fans d'Apple. Ouais, ouais, c'est, il y a des mecs qui font la queue dans toutes les villes de France, de Belgique et de Suisse. Quand il y a la sortie d'un iPhone 7, ils dorment la veille et ils dorment dans une tente. C'est comme un concert, limite. Et je vois pas l'intérêt. Moi, je préfère me dire, je l'aurai dans 4 jours, j'en ai rien à branler. Ah oui. Après, c'est une pulsion, ils le veulent. Non, mais voilà, mais il y a vraiment des gros fans, j'aime du standard. En plus, il les a pas revendus les autres. Il a toujours laissé. Non, il collectionne. Ça, c'est les collectionneurs. Les vrais collectionneurs. Ça, voilà, alors. Il les met dans une boîte à côté, une boîte en plexiglas avec un truc spécial pour mettre les montres. Ouais, c'est ça. Et avec une sorte de petit présentoir, et il les met ses 5. Alors que c'est exactement la même gueule. Hein. C'est la couleur qui change. Non, mais quasiment pas. Ils sont quasiment toutes noires. Personne le voit, ça. Parce que lui, il a pris toutes noires en plus. Ah oui. J'ai essayé, il a déjà attendu devant un sex shop pour un. Non, rien. Il y avait un god éléphant. Arrête, jamais de la vie. Un god éléphant d'ivoire. N'importe quoi. Il s'appelait le god babar. Mais j'ai pas de god. Il a attendu 4 jours. Ah ouais, j'ai pas de dans une rue traversante de Paris. Là où il y a toutes les vieilles prostituées. Pour aller acheter, je vais essayer son god babar. J'ai pas de god babar. On appelle. Et c'est babar. Babar, rien du tout. Après, tu marcheras. Il y a un slogan d'ailleurs, il y a un slogan sur le god babar. Ah bon? C'est avec le god babar, tu marcheras. Comme un canard? Voilà. Trop contente d'avoir attrapé le bouquet de la mariée, hein, chérie Jérémy. Maintenant, j'attends la demande. Ah, ça porte bonheur ça. Ouais. Non, c'est pas que ça porte bonheur. Que tu vas te marier dans l'année. Merci, il est content. Il est content. Il sait un truc. Il a fait ça de l'aide de Nemo. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves. Cauchemar entassé. Le cœur qui brûle. Sentiment glacé. On se connaît pas. J'aime pas ton passé. L'ami va bien. Passons par assez. Parfois peur de demain. J'ai eu la même, mais avec une vieille sur un rond-point clignotant à gauche, tourne à droite, la conne. Sauf que moi, 40 tonnes a eu peur, la vieille, grosse fuck, la mamie sénile. Non, non, faut pas dire ça, mais salut Tom le Viking. Salut Tom. Trop bon de vous retrouver, l'équipe Loni de Nantes. Salut les mecs. Alors, JM, il nous a mis Guigui de la régie, les deux sons. Il est rentré, Attends, je veux comparer. Ah voilà, M. Pokora cette année, Spoutnik. Attends, c'est là ça. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Et alors, on a la vraie Claude François ou pas? Non, je suis sûr qu'il n'a pas compris. Tu as dit quoi, JM? Lis-moi ton indice, celle de Pokora. Il est dans la merde. On n'a pas Claude François. On n'avait que celle de Pokora déjà. Et JM du standard. Il est très gentil. Il est bien brave. Mais il y a des fois, il a du mal à transmettre les infos. On est obligé d'être à l'antenne. Je suis dit de mettre les deux. Dis-lui qu'il mette les deux. Basta. Il met une sur l'autre. Je vais demander. Attends, je regarde. Non, parce que JM, il a un gros problème de texto. Il ne sait pas transmettre les infos. C'est lui. Mais parfois, on appelle le. Ouais, mais oui, il faut en rigoler. Il faut mieux en rire parce que sinon, on te jetterait par la fenêtre. Voilà. Claude François sur Guillaume Bessayeux, c'est Gaspard le gros trouluc. Arrête, avec Claude François, ça donne envie de choisir station depuis hier Mordor. Salut Nicolas de 57, salut, vous êtes les meilleurs, je vous écoute toutes les nuits. Salut Derek, le tourneur du 08. Salut Derek. Il y a Laetitia et Kat, salut les gars là. Salut gros, coucou à Gauthier le fourreur, big up à vous les gars, vous êtes au top. Bon courage à tout le monde les mecs. J'ai un stagiaire, il est vraiment con, il a pas venu. Il croit que les reprises de Pokora, c'est pas les mêmes paroles. Attends, on verra. Sofiane qui est là. Est-ce que vous avez déjà fait un achat qui fait bien devant vos potes? Est-ce que vous avez déjà acheté un truc que vous aimiez pas forcément? Mais juste un truc pour faire un peu stylé devant les poteaux, quoi. Bah ouais. Est-ce que ça vous est arrivé? Je sais pas. Moi, j'ai acheté, j'avais dit déjà, des pantalons un peu reggae. Je m'étais habillé un peu en mode roots et tout, parce que j'avais des potes un peu reggae, quoi. Et ça m'allait, mais alors pas du tout, parce que je suis pas du tout un mec qui écoute du reggae. J'aime bien, mais genre, j'étais pas en mode fumeur, sortir dans les concerts reggae. J'ai un stagiaire. Bah moi, j'ai acheté le casque Beat. On me l'a offert en fait. Ah, il s'est reconnu dans le nom. Ah oui. Elle coûte super cher et tous mes potes ils l'avaient. Du coup, je le voulais aussi. En fait, je l'ai mis 3-4 fois quoi. Ah, tu l'as pas vraiment utilisé? Bah non, je suis pas très fan de casque en fait. Ouais, enfin, les oreillettes, c'est plus stylé, tu vois. Ah, c'était juste un casque, ça fait un peu gros sur la tête, j'aime pas trop. Ouais, toi, t'es pas trop fan. Non, pas trop, non. Mais tu l'as acheté quand même. On me l'a offert et c'est pas donné. Ah, c'est ça. Et tu l'as acheté vraiment dans le but de. De faire comme tout le monde. Juste pour être stylé. D'être suiveur. Et c'est plus un bijou, un casque maintenant. Ouais, c'est lourd à porter. Ah ouais, franchement. Tout à l'heure, j'ai vu Big Flo et Oli. J'ai fait une partie de FIFA avec eux, s'il y avait un concours et tout. Et pareil, ils avaient chacun leur petit casque et tout. C'était mignon. C'est le genre de foot, ça fait un peu. C'était mignon avec leur casque. On pouvait leur dire d'ailleurs. Ouais. Sur Twitter, qu'elles étaient mignonnes avec leur casque. Faire un bisou de ma part. Ils sont super gentils, ils sont adorables. Ils reviendront très bientôt pour une grosse surprise dans l'émission. Je les ai invités. Ah. C'est vraiment des copains et on les adore ici. Julia, déjà acheté un truc pour faire bien devant tes potes? Ouais, bah ouais, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais j'ai acheté le premier paquet de cigarettes pour faire genre je fumais devant mes copines. Ah oui, bien sûr. En fait, c'était pourri quand Mais tu fumes aujourd'hui? Bah non, très peu, très peu. Ah bah j'ai toujours vu. J'achète jamais de paquet. Alors, Julia, c'est la meuf qui dit j'achète pas, donc je fume pas. Et que je vois tout le temps en bas en train de fumer. Les taxes. Ouais. Les taxes, mais franchement, pas beaucoup. Putain, bon, salut Guillaume Dicasse à Marco, le chasseur de la chapelle, de la part de Dédé, vous faites trop rire les mecs. Salut. Guillaume, ta voix m'excite, Manon de Saint-Michel-sur-Mer. Salut Guillaume. Alors, ce FIFA avec Cyprien Gaming, j'ai pas le droit de dire le score, hein, mon gars, mais je peux te dire que j'ai joué avec Squeezie et je lui ai mis une branlée. Donc, t'as gagné. D'une autre planète, les gars. J'ai hâte que vous voyez les scores. Si je l'ai humilié, je veux dire, Il va y avoir la vidéo. Non, vraiment gentil un peu, Squeezie. Ouais, il y aura la vidéo bientôt sur YouTube. C'est bon, ça. Je t'écoute tous les soirs, continue. À tout, Nick, passe mon message. Putain, mais les gars, vous mettez des mots. Masse mon massage à l'antenne, les mecs. C'est compliqué. C'est l'autre langue, ça. 59. Bon, Guillaume et votre texto aussi, 112. Les achats qui font bien devant les potes et que vous aimez pas et tout, on en parle, on va rigoler. Juste après, on parle de cul aussi. Un pour tous. Et on fait que je vais du médecin de village. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les trois mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec énergie, it's music only. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Énergie présente, Jeff Panaclock, l'extraordinaire aventure. Le 5 octobre à 19h30, découvrez au cinéma l'incroyable parcours de Jeff Panaclock et de Jean-Marc. De leur premier pas jusqu'à leur tournée triomphale aux États-Unis, ils présenteront le film en direct du Grand Rex. Plus d'infos sur cgrevents.com et énergie.fr. Jeff Panaclock, l'extraordinaire aventure, un événement. Énergie, it's music only. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leur fusée qui vont faire décoller. Chaud, mais t'es calé ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Énergie. vie t'es à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros cool dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros cool dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. C'est mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Faire en deux heures. Du lundi au vendredi, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On se fera surprendre. Je sens que je n'ai PNL, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Guillaume Radio 2.0, 22h28, les mecs, on se retrouve ici, hein, prévenez les autres quand vous êtes en cours la journée là. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. Voilà. Il y a très peu d'hommes capables de révolutionner un genre. Demain, on aura Jeff Panaclock. Petite surprise, hein, je peux vous dire, ça va être énorme. Ah. Demain soir, il vient co-animer avec moi, ça va être vraiment un événement. Soyez là demain, les gars. Alors, il y avait quoi? J'en étais où? Je voulais raconter un truc, là, d'important. Voilà, je voulais tester. Juste M Pokora, ça y est, j'ai eu. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Voilà, on va mettre, on va comparer la chanson de Pokora avec la chanson de Claude François. Dans le ciel, un oiseau qu'on a... Alors voilà, je compare les deux, hein, vraiment. Attention. C'est juste pour que vous fassiez votre idée. Comment vous trouvez le morceau? Moi je trouve ça déchire et tout. Pourquoi? Comment vous trouvez que ça passe là? Un oiseau qu'on appelle Spoutnik. Ça c'est la version pourquoi? C'est là qu'on a dit adieu à Marie-Lie. Elle battait tous les records. Cette année-là, les guitares tirées sur les violons. Attention maintenant, Claude François. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Oh, quelle année, cette année-là. C'est là qu'on a dit adieu à Marilyn. Voilà, c'est la différence. On entend un petit peu plus la voix de Claude François. Ouais, ouais, c'est différent. Ouais. Mais c'est vachement bien produit, pourquoi, en vrai. Les instrus, ils sont ouf et tout. Salut, toujours fidèle à votre émission, vous êtes les meilleurs aussi. Salut les gars, merci. Hein. Salut. JM, pour son anniversaire, il va se faire bougie, souffler sur sa bougie au bois de Boubou, dans la rue Tubano à Marseille, Greg du 13. Ah ouais, c'est la rue. La rue Tubano, c'est la rue, il n'y a plus près. Ouais, ouais. Bon, Nico, qui est là qu'on va retrouver. Sofiane aussi, est-ce que vous avez déjà fait un achat juste pour faire stylé devant les potes? JM du standard, qu'est-ce que t'as déjà acheté que t'as jamais utilisé pour faire beau? Moi, c'était pas il y a pas très longtemps, c'était le maillot de Jules, en fait, le dernier. Ces clips, il quoi a le maillot de la Thaïlande que Joey met. Révélation. Et j'étais avec deux potes, on est parti au puce, au marché au puce à Paris, ouais, là-haut. Ouais. Et on a acheté, moi j'en ai pris un. C'est quoi le maillot de la Thaïlande? C'est un maillot de l'équipe nationale de Thaïlande en fait. Et il est un peu fluo et tout, tu vois. Ouais. Et lui là dans ses clips, pour le délire, moi j'en ai pris un et au final, ben, on en a pris 6 quoi en tout. Ouais. Et vous étiez combien? Ben, on était 3. Super. Deux chacun? Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Ouais, mais pour ouais. Et pour quoi faire? Ben pour jouer au foot quoi, tu vois. D'accord. Du foot et tout, ouais. Deux chacun. Ouais, ouais. Ouais, c'était plus pour faire le beau parce que tu vois. Et un, ça suffisait pas, non? Bah ouais, mais il y en avait deux beaux donc ça va. Ah, c'est pas les mêmes. Non, non, c'est pas les mêmes. Ah oui, d'accord. Il y en a plein en fait, il y a plein de couleurs et tout. Ouais. Ok, très bien. Donc, ouais. National, l'équipe de foot, ouais, joue au foot, ouais. La Thaïlande. Alors, c'est des clubs, je sais pas, mais ouais, c'est. Ouais, ah, tu sais même pas ce que t'as acheté. T'imagines? En fait, tu sais même pas pourquoi t'es là, quoi. Ouais. C'est juste parce comment que tu copies la star. Non, mais c'est bien, et alors? Ouais, ouais, je les ai pas encore. Enfin, je les ai mis une fois, mais voilà, je sais pas si je vais les remettre tout le temps. Mais le demain, c'est juste pour le délire avec Jules, quoi. Voilà, parce qu'avec des potes, on est. Fan de Jules. Ouais, ouais, grave. Et tu le mettras qu'on l'aura. Ah, bah ouais, il faut. Je vous ai des places pour les 21 Pilots. Il y a le double hit qui tombe, Flanny Cadeau, là, avec l'iPhone 7. Il peut tomber, ouais. Il peut tomber, donc il tombera pas ce soir. Il tombe quel jour? On va gagner du temps. Il tombe vendredi. Vendredi, voilà, merci. Et il y a l'iPhone 7. Il y a l'iPhone 7. Ah, ça, c'est bien ça. Et FIFA 17 sur PS4. Putain de que ça. Que des 7-17. C'est bon ça. Attends, on a que des FIFA 17 vendredi là? Ouais. Sous de ma gueule ou quoi? Ils m'ont dit qu'on en avait là. Ouais, semaine prochaine, Guillaume. On a l'iPhone 7 plus FIFA 17. Non, mais j'en ai rien à branler. Je veux savoir quand on aura les FIFA 17. Je voulais les filer déjà aujourd'hui. C'est la semaine prochaine. Ouais. Ah, putain, parce que j'ai commandé un gros stock et tous les jours on me dit ils sont arrivés. Déjà, je croyais que je les avais hier. Oui, mais on les donne au compte. Bon, je suis désolé, les potos. Vendredi, à partir de vendredi, c'est open bar sur FIFA 17. Direct. Hein. Et 21 Pilots, j'ai des places aussi pour les concerts hein, qui arrivent le... bientôt là. Ouais. Ça sera quand j'ai les standards? 17 novembre au Zénith de Paris. Voilà. Salut à l'équipe de foot US de Macron, les Marshalls. Salut Max. Salut. On va se l'écouter tout à l'heure là. Mais bon, Nico, qui est là? Il a appel de Liévin dans le 6 de. Bonsoir Nico. Salut. Ça va Nico? Bon, enchanté. Il a quel âge? Il vient du Nord, Nico là. C'est ça. C'est ça. Hein. Tu viens du 6-2 et t'as 16 ans, c'est ça aussi? C'est ça. Ouais, c'est ok, ça. Enchanté alors. C'est toi qui as inventé le tic-tac de l'horloge chez tes grands-parents là. C'est un peu glauque. Flonny Cadeau, t'as déjà acheté un truc pour faire le beau devant tes potes ou pas? Moi j'avais acheté une paire de Nike d'Air Max à l'époque et en fait je les ai mis 2 semaines. Ah, c'est génial! Ah, c'est génial, j'ai fait une folle. Mais non, mais ça va pas du tout avec mon style en fait. Ça m'allait pas du tout. Ah non, moi je suis vieux avant l'âge. Non, c'est vrai, ouais. Bah non, ça m'allait pas du tout, j'ai voulu faire le mec. Mais si ça tirait bien. Bah oui, il faut le faire pour que l'Air Max elle taille pas. Franchement, ça va tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est pas de style. Je suis pas un mec sportif, j'ai pas mettre des Nike. Tu dis, bah oui, sportif. Tu crois que les mecs qui portent des Air Max, c'est des sportifs ou quoi? Ouais, mais il a pas le physique. J'étais au collège, je voulais faire comme tout le monde. De quoi j'ai essayé? Mais il a plus des chaussures genre mocassin, ça lui va mieux, non? Mais il a jamais porté de mocassin de sa vie. Non, mais regarde, il a des petites baskets, mais c'est pas des Air Max, c'est un intermédiaire entre des baskets et des chaussures habillées. Il y a longtemps. Ouais, des Stan Smith, genre, il pourrait pas porter. Des Stan Smith sur Flo des cadeaux, bah, ça irait pas. Ça va tout le monde. Attends. Bah non, pour moi. Flo des cadeaux, il a des guenilles. Une serpillière, Flo des cadeaux. Ouais. Non, non, mais. Ou des Vans. Des Vans, ouais, je sais pas. Ouais. Ça, c'est plus mon truc. Voilà. Il a des bottes aigle. Il a des Air Max à talons, tu sais, les chaussures de cagole. Tu sais, les chaussures de sport, mais à talons. Les Converse. Les Converse à talons. J'ai un stagiaire, ta bite fait la taille de mon petit doigt. Salut, Alice. Non. J'ai un stagiaire, Obé Sanson, il est parti, cul tout ouvert, ça, signé Big Black. Salut Big Black. C'est fin ça. Tu penses quoi des alors attends, on va t'appeler si tu veux là. L'écran de l'iPhone 7 paraît plus jaune, les photos aussi du coup. Très bien. Bah voilà, comme ça on saura au moins ça. Hein. T'as les écouteurs avec et il peut aller sous l'eau, ça c'est vraiment bien. Salut Man. Ah ouais, trop bien, putain. Il n'y a que 2 Apple Watch. Bah non, il y a pas que 2 Apple Watch. Et en fait, ils font des petites nouveautés, des rééditions. Exactement. Mais en fait, c'est comme les ordinateurs, ils changent pas les coques, mais il y a toujours des rééditions et tout ça. Après je te parle d'un gros connaisseur, attention, hein, c'est pas le monsieur Landa qui a fait 5 Apple Watch. Tout à l'heure, on en a parlé. Hein. Il y a le Honor 8 aussi, même diamètre que l'iPhone 6 pour 400 euros. Il est vraiment bien le Honor 8. Ouais, il paraît. Ouais. J'ai un stagiaire aussi, ça bite dans mon cul. Ah ouais, il y a que des blagues. Alors, dès que je vois j'ai un stagiaire, il y a le mot bite. Il faut arrêter de mettre des messages comme ça, ça sert à rien. Essayez d'envoyer un message intelligent sur j'ai un stagiaire, juste pour voir ce que ça fait. Gentil. Ça fait du bien de vous entendre après 6 heures d'épreuve pour le concours de sous-officier de gendarmerie. Salut Vivien là. Salut Vivien. Ah, mais c'était concours de flic ou quoi aujourd'hui là? Il y a tous les messages concours de flic. Tu veux faire quoi plus tard, Nico? Tu sais un peu ce que tu veux faire ou pas encore? Moi je veux faire animateur radio en fait. Ah c'est vrai, ouais. C'est un beau métier. Ouais. C'est pas moi qui vais chier sur ce métier. Hein. Ah bah ouais. Très mal placé. Hein. Alors pour être animateur radio, faut qu'on t'entende bien par contre. Ouais. Faut avoir un bon téléphone. Ouais, non mais vraiment on t'entend mal Nicolas. Ouais. Ah merde. Ouais, voilà. Ouais. Tiens bien le téléphone par en haut. Après, tu vas me dire, c'est les mecs, les coordonnées les plus mal chaussées. JM du standard qui est quand même standardiste de radio. Ouais. Hier, on l'a envoyé un match du PSG faire une blague devant le stade. Je l'ai fait. C'est quand même le mec qu'on a envoyé qu'on entendait le moins bien. Ouais, c'est dingue. On va réécouter d'ailleurs hier JM du standard. Ensuite, on va se faire le jeu du médecin de village aussi dans 3 minutes. On va s'écouter Soprano, on sera Shakira. On n'a pas écouté de musique encore? Non, pas encore. Ouais, ça fait que 40 minutes. On a le temps. Ça va. Tranquille. Ça va. Alors, attends, on y va. C'est parti. La blague de JM du standard hier en extérieur sur ça s'appelle la porte de Saint-Cloud, la place de la porte de Saint-Cloud à Paris. Il s'est mis juste à côté du stade, hein, le Parc des Princes. Il a attendu que les mecs du PSG sortent et il a fait avec un mégaphone. Il y a trois supporters, il y a un supporter lançois, un supporter marseillais, un supporter parisien qui sont dans un bus. Donc le bus il s'arrête, d'un coup il voit une fille évanouie, allongée par terre. Donc les trois supporters ils descendent et en fait le premier supporter Lançois il prend son bonnet et il arrive, il pose le bonnet sur le sein gauche. Le supporter marseillais il arrive, il pose son bonnet sur le sein droit. Le supporter parisien il arrive, il pose son bonnet sur le sexe de la femme. Donc après il y a un médecin du SAMU qui arrive et d'un coup le médecin du SAMU il arrive et il fait il regarde le premier, il lève le premier bonnet et là il voit le supporter Lançois, il voit le petit téton de la femme. Deuxième, il arrive, il voit le petit téton. Ah mais Guillaume, tu peux pas continuer, il s'en fout. Continue. Ah non, faut pas. Continue. Le deuxième, il soulève le bonnet. Et c'est le bonnet marseillais, il a un téton. Et le troisième, il arrive. Il ne laisse pas finir Guillaume. Le troisième, c'est le supporter parisien, il a mis son bonnet. Et d'un coup, le médecin, il arrive. Mais non, deux secondes, le médecin, il arrive. Il soulève le bonnet. Et d'un coup, il regarde. Il resoulève. Et là, le supporter du Paris, il fait, mais attendez, c'est quoi ce délire? Vous êtes pervers? Et là, le mec, il fait, ben non, d'habitude, sous ces bonnets, il y a toujours des trous du cul. Oh voilà, il a ça a coupé. C'était pas très fluide, hein, j'ai le sens. Ouais, en plus. C'était un peu inécoutable. Ouais, mais ils m'ont mis la pression. T'as une bonne blague aujourd'hui, là? Ouais, j'en ai. Avant qu'on fasse le jeu du village, et on parle justement des parents qui vous ont tapé l'affiche avec Nico, hein, 16 ans, là, qui nous a appelé, là. Tu veux qu'on fasse la blague en premier, Nicolas? C'est toi qui choisis. Ouais, vas-y, fais la blague. Ou tu nous racontes ton histoire, c'est comme tu veux. Non, vas-y, je suis chaud pour la blague. Vas-y, j'aime ça, une blague. Parti, ouais, est-ce que tu veux essayer d'être fluide? Ouais, je vais être fluide. Non, pour la première fois. Ouais, mais hier, j'avais la pression, non, Guillaume, il n'y avait que non, des. En général, tu lis trop. Essaye de moins lire. Allez, ça marche. J'aime du standard, passe un cap ce soir. Ouais, mais en plus, une vraie blague, ça se lit pas. Une vraie blague, ça se lit pas. C'est son anniversaire. De quoi j'ai ça? Une vraie blague, ça se lit pas. Eh ben, ne la lis pas. Passe-moi ta feuille. J'ai pas de feuille, c'est sûr. Ah, c'est vrai? Bah, éteins ton ordinateur. En fait, le problème, c'est que tu lis, alors que t'auras rien à lire, bah tu serais meilleur. Ouais, je pense. Ouais. Ou pas, on va voir. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, la blague de Jim du standard. Ouais. Alors, c'est l'histoire de mec qui roule dans une Ferrari, tu vois, il a 150 km/h. Et d'un coup, truc de fou, il se fait dépasser par un poulet. Comprends pas, quoi. Tu vois, le mec, il passe à 200, il redouble le poulet comme ça. Et d'un coup, le poulet, il le redépasse. Il comprend pas, c'est pas possible. Alors, le mec, il commence à suivre le poulet. Le poulet, il sort à la prochaine sortie d'autoroute et tout. Et d'un coup, il va dans une ferme, tu vois. Alors, le mec, il descend de sa Ferrari et tout. Il va voir le fermier. Il fait, monsieur, je viens de voir un truc de fou et tout. Il y a un poulet qui vient de me dépasser. Il dit, oui, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont, c'est des poulets à trois pattes. Et le mec, il fait, ouais, mais comment ça se fait? Il dit, parce que nous, dans notre famille, on adore les poulets, les cuisses de poulet, tout ça, quoi, tu vois. Et il fait, mais vous avez cette passion et tout, comment ça se fait? Il dit, ben nous, on en mange beaucoup. Ah, je te paie. Ah, putain! Ah non, je me suis embrouillé. Je me suis embrouillé. Mais non, parce que justement, tu as vu que j'ai refait la. Ça s'est senti. Eh ouais, j'étais pas sûr sur la truc, quoi. Et alors, tu veux la lire? Ouais. Continue. Allez, vas-y. Lis-la. Vraiment, c'est on est déçu. La déception. La tata, quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, lis-nous ta blague pourrie. Ah, mais non, elle est bien en plus. Allez, vas-y. De toute façon, maintenant. C'est un mec qui conduit une Ferrari à 150 km/h. Il y a un poulet qui le double, on a compris. T'es long, quoi. Bah ouais, le poulet, il sort de l'autoroute. Oh, le tonton gâteau, quoi. Il s'arrête dans une ferme et tout. Le Alzheimer, quoi. Eh non, c'est pas ça. Le conducteur de la Ferrari, il va trouver le fermier. Il fait, monsieur, je viens de voir un truc de fou. Un poulet à trois pattes qui vient de rentrer dans votre ferme. Et le fermier, il dit, bah oui, j'en ai 3000 des poulets à trois pattes. Parce que ma femme, mes enfants et moi-même, on aime beaucoup les cuisses de poulet. Et le conducteur, il dit, vous en mangez souvent? Et là, le fermier, il fait, ben non, on n'arrive pas à les attraper. Ah ouais. Moi je suis pas payé à te mentir, j'aime ça. Ah bah écoute, elle a fait rire beaucoup de personnes pourtant. Elle le force. Bah, elle a fait rire. Bah des mecs de sécu, des merci. Mecs. Bah ouais. C'est quoi la super blague? T'as pas compris que le mec de sécu c'était pas un bon jeu. GSGR. 4 sur 20. Ah ouais. Elle était à chier en plus, je l'ai recommencé. Nico de Liévin, comment tu donnes sur 20, j'aime ça. 5. Il a mal au cul, j'ai le sens. Ah ouais, je suis dégoûté. C'est sa dernière blague dans la vingtaine, quoi. Ah ouais, voilà, c'est vrai. Là, quoi. Ah, tu changes de dizaine avec ça. Julia. Un petit 7, allez, je suis gentil. Ah, merci, Julia. Ah ouais, putain, t'es vraiment sympa. Ah ouais. Flo, des cadeaux. Bah non, 1 sur 20 pour la salive. Ah ouais, bah, c'est normal. Pour la salive. Nico, tu donnerais combien sur 20 là pour cette merde? 5, ah ouais. Sa blague. 19 sur 20, Alan, du 60. Vraiment, merci buté JM. Merci, Alan. Buté JM, pareil, 0-2. Oh putain, ah, JM bouffe les couilles à GSTG, ferme ta gueule. Oh. On se calme. C'est violent, les gars, là. Ouais, grave. C'est vrai que sa blague était violente aussi, hein. faut dire. Il a cherché. Il va être l'or, monseigneur, de filer des iPad R2, des PS4 et des tablettes Samsung Galaxy Tab. Ah, juste avant, on parlait d'une histoire. Hein. Nico, toi, tu t'es tapé la fiche à cause de tes parents, c'est ça? C'est ça, à cause de ma mère, en fait. Vas-y, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, en fait, si tu veux, j'étais en cours d'anglais. Ouais. Et en fait, bah, j'avais une interro, et sauf que j'avais pas appris du tout, du coup, j'ai triché. Ouais. Et sauf que, en fait, je me suis fait griller par ma prof, et c'est une prof, en fait, super sévère. Et le truc, en fait, c'est qu'elle m'a mis 8 heures de colle, je crois. Ouais, 8 heures. Et en fait, le plus grave, c'est qu'elle m'a envoyé dans le bureau du proviseur adjoint. Ouais. Et qui a appelé ma mère. Donc, ma mère, elle est venue. Et en fait, quand je suis sorti, c'est ma mère qui m'a sorti en fait en me tirant par l'oreille. Et sauf que, en fait, quand elle m'a tiré par l'oreille, je suis passé devant une classe de terminale en fait. Et du coup, je me suis tapé la fiche à cause de ça. Et à chaque fois qu'on me voit tout ça, on se dit, ah, c'est le mec qui s'est fait tirer l'oreille par sa mère, tout ça. Ouais, c'est pas bien de lui tirer l'oreille. De tirer l'oreille devant les autres à l'école, c'est hardcore. Ouais. Elle a fait exprès. Ouais. Non, mais peut-être, mais enfin. C'est pour te punir encore une fois. Ça met quand même pas très à l'aise, quoi. Excusez-moi. Ah, bah non. Ah, bah quand t'as un enfant, tu sais, qu'il est en. Bah, il est au lycée. Pas l'oreille devant ses collègues, hein, c'est chaud. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pris des réflexions et tout, là? Ouais, c'est l'affiche un peu, tu vois. Puis après, c'est remonté jusque ma classe, tout ça. Donc toute ma classe, en fait, est au courant que je me suis fait tirer l'oreille par ma mère pour sortir du lycée, quoi. Ouais, tout le monde te fait la vanne. J'aime ça. Tu t'es déjà tapé la honte à cause de tes parents? Ouais, en fait, on faisait la cuisine avec ma mère. Et le délire, c'est t'es que. T'es obligé de lire ta phrase ou tu l'as fait? Je suis le chasseur, t'es là. Ça va être ça, seul, je vais finir ma soirée. Le matin, il se réveille, il dit bonjour, chérie. Comment t'es? Non, mais je savais pas que t'étais Je m'attendais à une bonne blague, moi, ce soir. Je suis désolé. Demain, on aura deux bonnes. C'est pas l'âme du match. Demain, il y a deux bonnes blagues. Ah, j'espère. Ah ouais. Putain, ça va rattraper les 5 dernières années. Bah oui. Alors, vas-y, donc raconte. Non, en fait, je faisais la cuisine avec ma mère. Je faisais des churros, tu sais. Et le délire. Je faisais des churros. Des churros, ouais, tu sais. Il enlève les mots et tout. Alors, je faisais des churros. Je faisais des churros. Des churros. Et en fait, moi, j'ai mis une boule de pâte dans l'huile. Une boule de pâte. Et elle m'a explosé à la gueule. Et j'ai eu une cloque d'une taille d'une pièce de 2 euros sur le front. Et en fait, quand je suis arrivé au collège, il y a tout le monde qui s'est foutu de ma gueule, quoi. Et c'est quoi les parents qui tapent la fiche? Ils sont où? C'est à cause de ma mère, en fait, parce que voilà, c'est elle qui m'a dit de faire ça, et j'ai dû raconter à tout le monde que c'était à cause de ma mère que j'avais eu une cloque, mais pendant une semaine comme ça. C'est pas trop le sujet. Ouais. C'est toi qui as mis la boule de pâte dans l'huile. Ouais, mais c'est ma mère qui m'a laissé le faire. Elle aurait dû me dire. J'aime du sonar, il n'a pas compris le sujet encore une fois. Ouais. Genre en public, c'est les parents qui te tapent la fiche, c'est autre chose. Ah ben là, c'est à cause de ma mère. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Mes parents, ils m'ont tapé la fiche une fois. Ils sont venus me chercher à la mer. J'ai raconté. Je suis allé faire les courses et avec un fois, ils m'ont dit on va faire les courses et tout. J'étais avec mes potes, je jouais au foot et j'étais en slip de bain. J'avais genre 11 ans. J'avais qu'un peu slip, quoi. Et un moule bite de ouf, quoi. Vraiment un moule bite de ouf. Et en fait, j'étais sur la plage avec mes potes et tout. On était tous en moule bite à l'époque. Il n'y avait pas trop de cassons et tout. Ouais. Et on jouait machin. Et mes parents, ils m'ont dit attends, viens, on fait un tour avec un fond. Il faut qu'on achète un truc pour le barbecue de ce soir et tout. Et ils m'ont dit monte avec nous et tu resteras dans la voiture. Et en fait, c'était tellement chaud dans la voiture. Je suis avec eux dans Carrefour en slip. Et j'ai fait Carrefour en slip de bain et en tongue. Et c'était horrible parce que je voyais les gens qui m'ont regardé, tout le monde me fixait et tout. Et je me disais, putain, je suis vraiment un gros paillou quand on dit ça. Et c'est horrible, tu te sens trop mal parce que au départ, tu voulais juste rester dans la voiture. Et puis, pas le choix. Et tes parents, ils disent, finalement, on va faire plein de courses, viens avec nous, tu restes pas tout seul et tout. Et puis j'étais comme un pauvre con, quoi. Faut leur dire après. J'ai stagé à un moment où tu t'es vraiment tapé l'affiche. Je me rappelle, t'imagines, c'était il y a des années, je me rappelle. Ça marque à vie, hein. Ça me marque de ouf. Un moment de honte, j'ai stagé, lui, il avait un zizi dans le fion. Pourquoi tu parles avec mes parents? C'est un SMS. De quoi tes parents? C'est le sujet. Ah, c'est vrai! T'as payé l'affiche en tes parents, donc pourquoi tu parles de zizi dans le cul? C'est SMS qui arrive. C'est bizarre le rapport. Il y a même une histoire de boule et tout. J'ai un stagiaire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une histoire du coup des parents qui tapent l'affiche? Moi, c'est mon père encore maintenant, quand on fait les magasins, il veut toujours tout négocier en fait. Ouais. Il est casse-couille pour ça. Alors chez Zara. Il croit que c'est le souffle. Non, mais c'est ce que je lui ai dit, genre chez Zara, HM, tu peux pas négocier. Et il dit, ouais, si je prends 4 chemises, est-ce que la 5ème est gratuite par exemple? La petite meuf, elle est là, bah non monsieur. Et il insiste. Alors il y a un parfum sur le truc, ils veulent le parfum gratuit, ils négocient tout et il est chiant. Au restaurant, ils veulent un dessert gratuit, genre le mec il croit que c'est la fête, tu vois. C'est un peu infernal. Là, c'est sûr. Et ça doit te gêner à côté. Mais moi je suis là, je suis rouge, je suis sur mon téléphone, voilà. Je pars. Au restaurant aussi, mon père quand il dit franchement vous pourrez nous offrir les cafés, vu l'état des plats. Le digestif. Et là moi du coup je mange la tête et je dis oh là là. Mais bon, il changera pas. C'est ça, bah après, ils sont habitués. Ah bah là, ouais, bah oui. Julien, un parent qui tape l'affiche. Ouais, en fait, moi j'étais en club de vacances il y a quelques années et mon père, il chante extrêmement mal. Et pour mon anniversaire, il a voulu chanter devant tout le club de vacances une chanson. Je sais plus ce que c'était, un truc comme Claude François ou un truc comme ça, genre devant moi, pour moi, mais il chantait tellement mal, je me suis tapé l'affiche devant tout le monde. Ah ouais. Voilà. Papa chanteur. Il a fait de la donner, puis écoute. C'est pour JM du standard. Ouais, je vais pas parler. Demain, tu la feras face à Jeff Panacoc. Les deux blagues de JM du standard. Soyez là demain soir, on aura Jeff Panacoc qui va co-animer avec moi. Il sera assis à la place de JM, c'est-à-dire avec Jean-Marc. Hein. Ça va être beau. Ils seront là tous les deux. Jeff Panacoc et Jean-Marc demain soir. J'aime un mec trop beau qui a un an de plus que moi et je pense qu'il est sur une autre fille. Pourtant, il me fixe. Je sais pas quoi faire. Peut-être qu'il fixe les meufs bah oui. qui lui plaisent un peu. Tu dois être mignonne. Et puis voilà. Chez les stagiaires, c'est comme une boule de bowling. On peut y mettre trois doigts. Ah non, pas du tout. Flavien de 0. Pas de doigts. Salut Flavien. Demande à JM du standard s'il connaît le cri du spermatozoïde. S'il le connaît pas, dis-lui à la place de veille. La prochaine fois, croque. Salut Damien. Salut. Allez, on se fait les frérots. C'est parti pour les frérots. On se fait les frérots de la Vega, là. Le cœur éléphant. On s'écoute maintenant là sur Énergie. Jonas Blues, Shakira, Imani, Jules, mon bijou. On s'écoute les plus gros hits sur Énergie. Et on parle après. Hein. Les parents qui vous ont tapé l'affiche, il y a un achat que vous avez fait pour faire les beaux et tout. Que vous n'avez jamais utilisé. Guillaume et votre texto au 612. Si vous voulez passer, vous avez deux raisons de passer. Les achats pour faire les beaux qui vous êtes jamais servi juste pour faire les beaux devant les potes. Et puis les parents qui vous ont tapé l'affiche à un moment donné. Guillaume, un espace, votre histoire avec votre numéro de téléphone au 612. Le standard est allumé, il est gratuit. Ouais. 0800 70 42 48. Je vais répondre pendant la pub là. Pendant le morceau. 0800 70 42 48. Je réponds aussi si vous voulez passer avec nous sur Énergie. Venez faire de la radio avec nous les potos. On est ensemble le soir sur Énergie. 22h minuit. Guillaume Radio 2.0. Ok. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Du village juste après, mais c'est l'heure de vous offrir des cadeaux, ça va durer 30 secondes. On y va très très vite comme hier. On avait fait un juste prix et là ce soir on a encore des cadeaux. On a des iPad Air 2, des PS4 et des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Je marque sur une feuille le chiffre que je veux. Vous me l'envoyez, hein. Guillaume, et le chiffre avec votre numéro au 612. Comme ça, dans une minute, le juste prix, il est terminé. Puis on peut enfin commencer ce jeudi médecin du village. Vous êtes nombreux à me demander de le faire chaque soir. Eh ben, c'est le mercredi que ça arrive. Je me fais passer pour le médecin du village. On appelle des mecs dans les villes, un peu n'importe où. Et quand ça répond, je fais croire que j'ouvre mon cabinet juste à côté de chez eux et que je leur fais une consultation par téléphone. Ouais. On va se le faire. JM du standard, regarde le chiffre. Ok, pas de soucis. JM stagiaire, regarde le chiffre. C'est bon, je note. Flo des cadeaux, regarde le chiffre. Julien regarde le chiffre aussi. Voilà, vous regardez le chiffre. Ouais, il est marqué sur la feuille. Flo des cadeaux, il a ramassé. Il m'a fait rire, je te jure. Attends. Je l'ai plus avec sa tête. Je lui dis, regarde le chiffre, il avait l'autre casque. Il est là. Ce soir, tout le monde est dans les choux. Tu peux vous dire que ça bosse dur. Il y a du monde qui appelle. Ah merci d'appeler, les mecs. Il croyait qu'il était sur Fun Radio ou quoi? Il n'y avait personne qui appelait. Non, mais là, c'est chaud. Bon, allez, vous êtes nombreux, les mecs. On y va, c'est parti. Vous m'envoyez Guillaume et le chiffre avec votre numéro aussi. Ils sont 12. C'est pas compliqué. À Patrick, je te promets qu'il me le trouve, il a gagné. C'est 1000. Non, c'est moins que 1000. Voilà, moins que 1000. On cherche un chiffre. Ça dure vraiment une minute. On essaye de se le torcher vite, les gars. Moins que 1000. 200, c'est plus que 200. 300, c'est plus que 300. 3, je vous aide, hein, c'est plus du coup. T'as pas mis ton numéro, ma chérie? T'as mis 3, je vous adore. Il faut bien marquer le numéro dans le texto. Guillaume, un espace, le chiffre avec votre numéro au 6-11-12. Est-ce que c'est 550 06 44 22 27? C'est plus que 550. Vous m'envoyez un texto avec un chiffre, le premier qui me trouve le bon, je lui offre. Je vous assure que ça arrive sur mon écran d'ordinateur et ça défile. On est en direct, il est 22h51, il y a du foot tout à l'heure. Ouais, il y a Rennes qui mène 3-2 contre Marseille là. Voilà. C'est bientôt fini. En Ligue 1. Il mène 3-2 contre Alors Marseille. Alors que Marseille menait 2-1. Et c'est qui joue là? C'est Rennes. Rennes, voilà, Rennes qui bat Marseille ce soir. Ouais, pas encore fini, mais c'est bien parti. Très bien. 550 et 1000, c'est le chiffre qu'on cherche ce soir. 720, c'est moins que 720. On cherche un chiffre entre 720 et 550. Il y en a un qui dit 585, c'est plus que 585. 612, c'est plus, c'est moins que 612, pardon. Oula, ah ouais. Entre 585 et 612, allez-y. Hein. Guillaume est le numéro, avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Guillaume au début du texto, toujours. Guillaume, hein, pour qu'il arrive dans mon studio, un espace, le chiffre avec votre numéro au 6-11-12. Est-ce que ça serait 605? C'est moins que 605. Est-ce que c'est 601? C'est moins que 601. 585 et 601, c'est entre les deux. 593, c'est plus que 593. Ah, c'est chaud. On cherche un chiffre entre 593 et 601, les gars. Guillaume, un espace et le chiffre avec votre numéro. J'ai des PS4, des iPad Air 2 et des tablettes Samsung Galaxy Tab 1. Et après, on fait joli, mettre ça du village sur Énergie. 8h05, Manu double votre salaire. Émeline? Oui. De Savigné-sur-Latan dans l'Indre-et-Loire? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu de l'Énergie. Oui. Chaque fois que tu touches 1297 €, je vais le doubler, oui. Salaire. Tu vas toucher 2594 €. Oh, j'en reviens pas, merci. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 €. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99 € par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99 € par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Énergie présente Louane, le concert au cinéma. Le week-end du 24 et 25 septembre, découvrez dans plus de 200 salles partout en France le concert totalement inédit de Louane, diffusé uniquement au cinéma. Plus d'infos sur énergie.fr et patelive.com. Le concert de Louane au cinéma, un événement. Énergie, it's music only. Qui sera le prochain président des États-Unis? La voiture autonome est-elle le transport de demain? Peut-on encore rencontrer sa future femme ailleurs que sur son téléphone? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. On a gardé le meilleur pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Je suis l'homme de la foi, je suis le chasseur de la foi. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. Allez, on va appeler le gagnant du Juste Pro. On est en train de chercher un chiffre, les gars. J'ai des PS4 à vous offrir. On a des iPad Air 2, Flo, des cadeaux. Il est en train de les préparer. iPad Air 2, PS4 et tablette Samsung Galaxy Tab A. Voilà, on a les trois. Viens de courir vers le micro pour nous le dire. Pourquoi qu'est-ce que tu fais, là, Flo, des cadeaux? T'étais en train de briefer un petit peu pour la suite du truc. Oui, là. Et en train de sélectionner le gagnant. Ah ouais, d'accord, merci beaucoup. Il est mignon, hein, Flo, des cadeaux. Il est comme ça. Il parle un peu comme un vieux, Flo, des cadeaux. Ah bon, c'est un vieux jeune. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est marrant, c'est que c'est le plus jeune de nous et c'est le plus vieux. Ah ouais, c'est vraiment plus. Physiquement, et de la manière de parler. Bah si. Et, non mais à part Julia, oui. T'es plus vieil homme quoi. t'es un vieillard toi. Bah non mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. Putain, tu fais mou là. Hein, ouais. Ah bon? Faut qu'on t'endurcisse un peu, Flo, les cadeaux. Ouais. Ah bon? Alors. Non, c'est pas vrai. Non mais Flo, les cadeaux, vraiment. Mais il a son style après. On va t'offrir un stage commando, Flo, les cadeaux. Ah ouais? J'aimerais bien le voir. Tu serais étonné. Pourquoi? Ah c'est vrai? Bah à mon avis, tu te surpasses. Ah c'est vrai, tu serais un peu dans la nature, tu survivrais. Ah ouais, carrément, ça j'aime bien. C'est vrai? Ouais. De quoi, le survivalisme? Ouais, survivalisme, ouais. Ah, ça, le fait d'être un petit peu dans Walking Dead, tout ça, ça c'est cool. Tu penses que tu serais bon? Ah, attention, il fait le show, mais après. Je fais le show, mais tout le monde fait le show. Ouais. Non, pas moi. En vrai, tu meurs comme tout le monde. Non, je pense qu'il faut un cerveau, quoi. Dans ce genre de situation. Faut être fort physiquement et avoir un cerveau. Je pense que je me débrouillerai. On terminera là-dessus. En tout cas, on cherche un chiffre ce soir entre 593 et 601. Guillaume, donc, est le chiffre avec votre numéro de téléphone là au 612. Essayons de le trouver là. Il y en a un qui dit 598. C'est plus que 598. On cherche un chiffre entre 598 et 601. Voilà, Guillaume. Bonne chance. Un espace. Le chiffre avec votre numéro de téléphone dedans au 611 12. Si vous l'avez maintenant entre 598 et 601. On y est les gars. Guillaume, vous avez une chance sur 3 de gagner. Guillaume et votre numéro 612, on prendra le premier qui l'a envoyé, le bon chiffre. Le chiffre entre 598 et 601, qu'est-ce que c'est? Il est 22h58, il y a du foot ce soir, il y a les Rennais qui jouent contre Marseille. Et ils ont gagné 3-2 les Rennais. Voilà, c'est là, fini. C'est terminé. Voilà, voilà. Guillaume, dégoûté, ouais. Et la bonne réponse au 612. 598 et 601. Le chiffre qu'on cherche entre les deux là, qu'est-ce que ça peut être? PS4, iPad Air 2 et tablette Samsung Galaxy Tab A. Et juste après, on fait notre jeu du médecin JM du standard. On va prendre des numéros de téléphone. Ça, ouais. Et le chiffre, c'est, voilà, il y en a qui dit, il vient d'arriver, 600. C'est le chiffre du soir. Pile poil, ouais. Le premier qui a envoyé 600, on va prendre, c'est parti le logiciel. Putain, c'est quoi? 3, 2, c'est la gym, ça. Attends, vas-y, dès que ça répond, on y va. C'est parti, il faut juste que ça réponde. 10! Attends. Attends, dès que ça. 10! 9! Allô? 7! Allô? 6, 7, c'est quoi ton prénom? Arnaud! Arnaud, t'as gagné! Ouais. L'ambiance qu'on a fait du Nouvel An est énorme. Ah, c'était chaud. Oh, ça va, moi, Arnaud, quoi, tranquille. Ouais. Hey, t'as gagné, frérot. C'est gagné, ça, putain. C'est beau, c'est cool. C'est qui le papa? Enchanté. Tu viens d'où, toi, Arnaud, alors? De quelle ville? De Rennes. De Rennes. Ah, bravo, Rennes. Vous avez gagné. Ouais. Il est à Rennes. 3-2. Il est où? Il est à Rennes. Ils ont gagné contre Marseille, les Rennais. Voilà, à dégoûter. Gros match. Ils gagnent pas cette année, Marseille. Ah, ça fait deux matchs. Non, mais en plus, ils gagnent 2-1. Ça fait deux matchs, ça fait plusieurs saisons. Là. Ah, ouais, ça fait c'est pas bon. Là, on aime beaucoup Marseille ici. Ah, c'est vrai que c'est... on n'aime pas quand il y a une équipe qui va le bas. Ça fait deux matchs. Là, voilà. Ah, ça fait. J'aime ça. T'es moins fan qu'avant ou pas de Marseille? Bah ouais, parce que. Ça va, ils sont 15e. T'en as conscience, quoi, tu vois. Tu sais que l'équipe, elle est pas ouf, donc voilà. Ouais. Tu sais que c'est pas GG. Ouais, voilà, bah oui. Mais tu restes un peu quand même dans l'âme. Bah ouais, obligé. C'est comme ta femme, tu l'aimes encore. Pour pas dire que tu es un peu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ta femme, tu l'aimes encore, non? De quoi? L'OM. Ah, c'est comme ta femme, c'est comme par exemple. Je voyais pas le club de cœur. Il voulait juste dire, c'est comme ça. Il voulait le placer. Voilà, métaphore. Quel gamin. Mais non, dégoûté. Non, en tout cas, très dans quoi toi, Arnaud, à Rennes, là, le 35. Chauffeur routier. Ah, ok. Bah, vas-y, bah, salut à tous les chauffeurs. Bonne route. On va faire tourner la petite roue des cadeaux. Allez, c'est parti. Ok, on va faire tourner la skyroulette, le mec il confond tout. C'était Guillaume, ça sort avec du fou. Et puis allez, c'est parti, on va voir ce qu'il a gagné, mon gars. Il y a des PS4, ok, dans la roue. Il y a des iPad Air 2 et il y a des tablettes Samsung Galaxy Tab. Ah, qu'est-ce que t'aimerais gagner? Une petite PS4, c'est bon, sympa. On va faire tourner. Hier, nous sommes bien tombés, je rappelle. Ouais, ouais. T'as quel âge, toi, mon con, là? 26 ans. 26 ans, très bien. On s'est déjà eu au téléphone. Ah, c'est vrai, quand? On avait parlé d'une histoire de cul, des trucs qui nous étaient arrivés un peu, pas extraordinaire, mais qu'on s'était fait un peu incroyable, ouais, voilà. Ouais, et c'était quoi ton histoire? Je sais pas si tu te souviens, j'avais couché avec une nana dans un jacuzzi devant des potes. Ah oui, je m'en rappelle. T'avais couché avec des nanas dans un jacuzzi? Non, avec une nana. Ouais, devant des potes. Ouais, devant des potes, ouais. Et personne l'avait vu? Si, mes deux potes me voyaient, en fait. Ah ouais, ça te dérange pas. Ils l'ont vu après toi aussi, non? Putain, c'est marrant, quoi. Non, ils avaient pas été, non. Je sais, j'avais fait semblant de s'en souvenir. Non, mais je m'en rappelle vraiment. Allez, en tout cas, félicitations à toi, mec. Allez, on fait tourner la roue des cadeaux, c'est parti. Hier, on est bien tombé avant-hier, non? iPad Air 2, PS4 ou tablette Samsung Galaxy Tab. Ah, c'est trop beau cadeau déjà, mais sur quoi tu t'arrêtes? Une PS4. Ah bah c'est gagné. Je te l'envoie demain matin, d'accord, mon Arnaud, là? Ouais, c'est cool. Bon, Arnaud, passer une petite dédicace? Bah oui, vas-y. Alors, je fais une dédicace à ma femme qui doit soit m'écouter, soit dormir. Ouais. Et sinon, une dédicace à tous les chauffeurs de Frigo 7. D'accord, ok. Très bien. Salut, tu bosses jusqu'à quelle heure, toi, chauffeur Frigo 7? Ah, là, jusqu'à 7h demain matin. Hein. Ouais, ah ouais, 7h, putain, bon courage. Bon courage. Ouais. T'as commencé à quelle heure, toi, pour finir à 7h? 22h. Ah bah bon courage à tout le monde. Comme nous, t'as commencé à 22, quoi. C'est vrai. Et bah bon courage. Putain, surtout t'étais là jusqu'à. Bonne nuit, merci. Ouais, bon courage, mec. Hein. Tu vas jusqu'où là ce soir? Là, je fais Angoulême et Limoges et après je m'arrête. Après je vois sur Nantes. Salut à toi, man. Merci en tout cas du coup de fifil. Et puis je te repasse Julien pour l'adresse et demain matin on te fait le petit colis-colissimo. Ça marche, c'est cool, merci, passez une bonne soirée. Salut, merci, ça. Salut l'équipe, ciao. Bisous. Ciao, on y va, c'est parti. On a mis la... Vous savez, on a fait le bruit de locomotive avec le bruiteur de cinéma l'autre jour. Oui, lundi soir. On a l'extrait sonore ou pas, JM Sonar? Ouais. Tu l'as vu ou pas? Avant-hier, ouais. Ah, c'était... Non, ouais. Avant-hier, c'était quand il était là, le mec. On est quel jour? Mercredi. Il l'a fait en direct. Il est sous l'eau. Le mec, il l'a mis en direct dans les... Parce qu'en fait, on a des bancs, on range les sons, en fait. Ah, ça serait bien de réécouter un petit peu. Voilà, le train avec le bruiteur, il est là. On dirait un vrai son. J'avais un paquet de cornflakes dans la main, j'aime du standard, une plaque en fer. J'ai un stagiaire, il avait une sorte de petite boîte de whisky en fer et à l'intérieur il y a des petits grains de café et une machine à outils et ça fait ça. On va essayer de faire le bruit. Attends, du bruit. J'ai même fait l'accélération. C'est bon. Ça marche bien quand même. Je vous ai mis la vidéo si vous voulez aller voir pour voir comment on fait sur la page Facebook. Allez, j'ai mis tout à l'heure. C'est bon, Guillaume, et voilà, vous tapez Guillaume Play, P-L-E-Y, sur Facebook. On est à 1 952 000. Exactement, si vous voulez venir liker la page dessus, vous allez le voir là. Je vous ai mis la petite vidéo, elle est hallucinante. Vous êtes déjà des dizaines de milliers à être allés la voir. On se fait Snake, Justin Bieber maintenant. Juste après, j'ai mis ça. Tu prends des numéros? Ouais, pas de soucis. Et attends, viens, on en appelle un avant déjà. T'en as déjà un là? Ouais, j'en ai plein. Allez, on en appelle un, et puis juste après, on fera Snake. Bieber. C'est parti, premier mec, je me fais passer pour le médecin du village. Il y a mon infirmière qui est là. Oui, je me prépare, je suis l'infirmière de mon médecin. Enchantée. Voilà, on y va. Il faut que ça réponde par contre, et puis Rennes, du coup. Ouais. Reste avec moi, bouge pas, Arnaud. Ouais. Allô? Ma Martin? Oui. Comment ça va? C'est Frédéric à l'appareil, Pubelstein, le nouveau médecin qui est arrivé dans le village, à l'Odev. Bourgade. Jeune pousse. Jeune pousse de médecine, je vous dérange pas? Oui, mais monsieur, je ne vous connais pas. C'est pour ça que je vous appelle, pour faire connaissance, Monique. Bien qu'on commence à parler un jour, sinon on va rester sur Facebook. On se verra en photo de profil, là. Excusez-moi, ça tombe très mal, parce que je suis en train d'empoter de la confiture, il faut que je le fasse pendant qu'elle est brûlante. Ah, voilà, vraiment, je vous dérange pas, Monique, et puis je vous rappelle demain. Mais d'accord. Confiture à quoi? Confiture de mur. Oh putain, que c'est bon ça, bordel de merde. Écoutez, Monique, vous voulez pas m'en amener un pot quand vous venez au médecin? Ah, je suis fan de murs, Monique. Non, mais c'est vraiment dingue que vous me parlez de ça, parce que moi, je cultive les murs aussi à la maison. Faudrait que vous passiez au cabinet. J'ai moi-même une mur géante sur mon bureau. D'accord. La plus grosse mur de la... Je l'ai fait laquer, la mur, elle fait... Excusez-moi, il faut que je continue. Ah bah moi aussi, justement, j'ai... Je suis entre quatre murs, justement, là. Monique, elle a raccroché. Attends, c'est quoi? On se fait Snake, allez maintenant. On se fait Snake et Justin Bieber. Let me love you. Prends-moi un autre numéro. Ouais, j'en rappelle d'autres. Prends-moi Monsieur Chevalier là. Il est marqué Chevalier, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça, Guillaume. Prends-moi Monsieur Chevalier. On appelle Monsieur Chevalier juste après. Ouais. Je vais passer pour le médecin du village et on va l'énerver sur Énergie. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les gars. Bon courage pour ceux qui sont allés en cours. Là, j'espère que c'est pas trop la merde. J'ai vu des messages. Journée relou, tout ça. Content de vous retrouver. Bon, on se retrouve là de toute façon le soir à partir de 22h. On y va. On va prendre un numéro de mec, là, Chevalier, monsieur Chevalier. Ouais. On va le tenter. J'ai une sonnerie, il a pris des pages jaunes hein, et on appelle au hasard. Voilà, il appelle dès que ça répond, il raccroche et on rappelle deux secondes après, comme ça on sait qu'il y a quelqu'un. On va voir ce que ça donne. C'est parti, JM du standard. Tu fais le numéro? Ouais. Allez, on y va. Il est 23h09. Il faut que ça réponde. Et puis Marseille qui est perdu. Hello. Oui, monsieur Chevalier? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Excusez-moi de déranger. Je suis nouvel médecin de famille qui arrive dans la ville. Oui. J'ai ouvert un cabinet en fait à moins de 500 mètres de chez vous, alors je me permets d'appeler un petit peu tout le monde dans le secteur pour prévenir de l'ouverture de mon cabinet lundi. Et c'est où? C'est à Marpan aussi, juste à côté de Zik, juste à 500 mètres de chez vous, quoi. Je suis sur ma pile, là, pile poil 530 mètres. Voilà, 530 mètres, vous pouvez venir à pied. Petite grippe, petite gastro, petite coulante, vous venez 5 minutes, je vous donne deux cachets, puis ça va mieux. Monsieur Chevalier. Bon, oui. Faites quoi dans la vie, monsieur Chevalier? Mais vous allez être où? Alors, moi, je suis justement à 500, je dis. Alors, 500. Oui, j'ai compris, mais sur quelle. Vous êtes sur quelle avenue, vous? Mais c'est vous qui allez me dire où vous êtes situé, vous? Ah, moi, je suis à 530 mètres de chez vous, c'est un truc de ouf. Hein. Je regarde là, 545 mètres exactement, parce que ma pile n'est pas très précise quand je prends Google Traduction. Et Google Localisation Maps, comme on dit, hein, c'est comme ça qu'on dit carte en anglais. Parce que je suis bilingue aussi, j'ai fait mes études à Houston, là où on tire les fusées. C'est bien. Et donc voilà, je vais savoir si c'était possible de. Donc qu'on se rencontre déjà, que je vous invite. Je fais une crémaillère là, un cassage de bouteilles de champagne à main nue dans mon cabinet pour l'ouverture lundi. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Je suis avec ma secrétaire. Elle a justement une petite. Alors je vais me permettre de vous tutoyer, elle a une petite promo de la semaine à te faire. Tout à fait, cher patient, cette semaine, pour tout toucher rectal effectué, votre poids en suppositoire vous sera offert. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez venir avec grand plaisir, monsieur Chevalier. De toute façon, on va devenir un petit peu familier, monsieur Chevalier, là. Alors, ça tombe bien, parce que je suis proctologue. Ah, et bien écoutez, ça tombe bien, parce que là, j'ai pas voulu partir dans la proctologie, je veux dire pourquoi. C'est à cause de mycoses sur mes doigts. En fait, j'avais de l'eczéma sur mes doigts et puis foutre dans le derche toute la journée aux gens. Mais j'avais peur d'attraper des staphylocoques. Ah, là, il a raccroché. Ah, mais... pas grave. T'as un autre numéro. Ouais, j'en ai plein d'autres. Moi. Allez, 23h12. On y va. On en appelle un. On en appelle encore un. On appelle Monsieur le Maire. Ouais, c'est ça. Ah. Allez, on y va. C'est parti pour le Maire. Voilà, avec Rennes, bravo René qu'on gagne contre Marseille ce soir. Bon, par contre, il faut que ça réponde, monsieur le maire. Allez. Allô? Allô, monsieur le maire? Oui. Alors, je suis le nouveau médecin qui va. Vous avez peut-être vu la construction là, la semaine dernière d'un petit cabinet pas loin de chez vous, là, le médecin? Non, pas du tout, non. Frédéric François, moi, pareil. J'installe mon cabinet de médecine générale et donc j'appelle un petit peu les gens qui habitent dans la rue pour leur prévenir de. Je fais une pendaison de crémaillère lundi. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus pour boire un petit verre ici. C'est ça, exactement. Si vous êtes bien monsieur le maire. Oui. Si moi je suis monsieur le docteur. Allô? Je suis à Wickensheim, comme vous, monsieur. Je suis un habitant français de Wickensheim, monsieur. Nous sommes un habitant de la planète. Monsieur Wickensheim, monsieur le maire. Je suis l'adjoint. Bon, allez, on rigole un petit peu. Je vous invite. Hein. Vous savez, moi, je prends la médecine à la cool. Hein. C'est moi, d'ailleurs, qui ai écrit le livre. Vous avez peut-être vu, d'ailleurs, le livre. Le titre, c'est « J'ai pas mon diplôme, mais je bosse quand même ». Vous l'avez peut-être vu. Je voulais savoir si vous voulez donc venir boire un verre à la pendaison de crémaillère. Bah écoutez, ça va aller, c'est bon. Mais au pire, venez avec votre écharpe, monsieur le maire, et puis vous venez. Ouais, je vous présente, vous voyez, je vous présente un patient que j'ai soigné peut-être. Non, mais ça va aller, monsieur. Non, parce que je suis avec mon infirmière, elle va vous dire ce que je vous offre, et ensuite, je vous fais écouter un patient que j'ai soigné. Chérie, oui. Plutôt l'infirmière, oui. Donne, s'il te plaît, la promotion qu'on fait du jour. Alors, monsieur le maire, rien que pour vous, si vous venez avec un ongle incarné, nous vous offrons une paire de tongs pour que tout le monde profite bien du spectacle. Allô? Voilà. C'est clair. Vous m'entendez? Ah bah, je vais attendre d'avoir un ongle incarné alors pour venir. Ah, parce que sinon j'ai un. Écoutez, je peux vous présenter, j'ai Paolo là qui s'est fait soigner chez. Paolo! Ouais! Venez s'il vous plaît dire à monsieur, vous avez été bien soigné là. Bonsoir monsieur! Je vais vous faire écouter la façon dont je l'ai. Alors l'autre jour j'ai pris une. Il avait un petit problème à l'orteil, je vais lui limer un os sur le côté pour qu'il puisse remettre des chaussures. Je me rappelle, j'ai l'enregistrement pour écouter comme quoi c'était pas c'est douloureux. À cause des crocs ça! Débarque, c'était pas douloureux du tout. Vous voyez, monsieur, c'était pas si douloureux que ça, et puis finalement, ça s'est bien passé. D'ailleurs, je me rappelle, il avait même marqué sur mon livre d'or, ce médecin m'a sauvé, j'étais aveugle et j'ai retrouvé la vue grâce à lui. Bon, par contre, j'ai perdu l'ouïe, l'odorat, le goût et la parole, mais merci, docteur. Voilà, je me rappelle très, très bien. C'est quoi le défi, là, au juste? J'ai pas compris. C'est quoi le défi, c'est vrai? Alors, il n'y a absolument aucun défi. Je voulais juste vous inviter à la pendaison d'infirmière que j'organise lundi. Je tiens d'ailleurs aussi, alors si vous voulez venir, vous allez voir dans mon cabinet, je suis aussi démineur pour la police nationale, donc il m'arrive de montrer en cabinet pendant une consultation. Donc voilà, si jamais vous entendez une petite explosion, ne soyez pas choqués. Ça peut arriver de chez vous, vous voyez, monsieur. Ouais, Ouais, non, mais bah, c'est gentil en tout cas, mais il n'y a pas de médecin dans mon village. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit test à distance alors? Parce que j'ai une balance sur téléphone qui marche très bien. C'est une nouvelle technologie américaine. Je vais vous demander de vous mettre sur un, à pieds joints et de souffler. Et on va mesurer votre poids si vous voulez, monsieur. Ouais, c'est bon. Alors attendez, je suis en train de chercher hop, mon système logiciel super perfectionné. Attention, vous mettez sur la pointe des pieds? Alors c'est plus monsieur, c'est madame. Elle est ah, madame le maire. Enchantée madame le maire. Bientôt rencontrer le gouverneur. Allô? Ah, allez, madame. Bonne soirée. Ah non, mais madame le maire, je voulais que je vous pèse. Vous voulez que je vous pèse, madame le maire? Ouais. Madame le maire, mettez-vous sur cloche-pied, je vous pèse à distance. 195 kilos. Madame le maire. Non, madame le maire, vous êtes partie, madame le maire. Putain, madame le maire. Ah merde. Ah, aussi. Ah, il y en a un autre. Ah ouais, vas-y, lâche pas. Quand il y en a plus, il y en a plus. Allez, madame Blanc, allez, c'est parti. Ouais. Allez. Il fait travailler bien, il marque le nom sur la feuille. Allez, on fait le numéro direct. Puis ça répond. 23h16. Allô? Oui, monsieur Blanc? Non, c'est madame. Madame Blanc, plus blanc que blanc. Je voulais savoir si c'était possible de réserver. Vous m'entendez? Je vous entends. Micheline, enlève le haut-parleur, s'il te plaît, parce que sinon je peux pas parler, ma couille. Deux secondes. Hein. Allô? Allô? Oui, il y a le haut-parleur, je vous entends mal, madame Blanc de Colognon. Vous vous fichez de moi? Écoute-moi, ma couille, tu prends pas ta voix de poissonnière, tu m'écoutes d'abord parler. Ma couille, tu veux me débattre, connard, va. Écoute-moi, madame Blanc, je vais te salir. Ah non! Elle est bien. Ah ouais. Non, mais en plus, on était bien partis. C'est pas un bon appel. Ouais. Allô, Mme Blanc? Petite boulasse. C'est qui, connard? Ah, le grand patron de la maison. Comment il va? C'est qui, espèce d'abruti? Le mâle est arrivé devant la femelle. Comment ça va? Je te dérange pas, ma couille? Tu te prends pour qui? Écoute-moi, je suis médecin, je veux juste te soigner. J'arrive en fait justement dans ton petit village, à Codognon, et je voulais savoir si c'était possible de venir t'inviter à ma pendaison d'infirmière. C'est comme la maison de crémaillère, mais dans le milieu médical. Mais bien sûr. Ah, bah voilà, bah toi, on va être copains tous les deux là. Ouais, tu vas fermer surtout ta gueule parce que sinon je vais appeler les flics, ils vont s'occuper de ton cas, connard. Oh allez, là ciao. Là, mais dis donc, il est brutal le mal. Attends, on va le rappeler, c'est pas, on va rappeler direct. Il va être content. Monsieur Blanc, il est chaud. Monsieur Blanc, je suis le médecin. Il y a les petites médicaments. Il a raccroché. Je garde la voix. Je suis le chasseur de la voix. Ça va être une soirée. Je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je fais ma soirée. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien. Hier, ça a tiré. Il y a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues. Ah, j'en peux plus de rigoler trop fort. Merci, Eric. Merci. C'est trop avec Baba. Salut, Audrey du 68. Merci beaucoup pour les messages. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il est 23h18, on se fait le nouveau Kenji. Ah oui. Sonrisser, on avait dit qu'on l'écouterait. Mais c'est un ancien celui-là, ouais, non? Je le connais, ouais, ouais, c'est ça, on le rejoue, il défonce un peu celui-là. On vous le cale maintenant, c'est plaisir de réécouter les Kenji. Ouais. Et on retrouve Roméo, Dana, 18 ans, et Nicolas, 16 ans. Les nombreux à appeler, on va parler de cul après sur Énergie. Los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate. Un secreto voy a contarte. Y fuerza mi sonrisa. El cielo me lo regaló. Me sigue noche y día. En la sombra me llega el sol. Y fuerza mi sonrisa. Aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa.

savez pas tout ce qu'on peut faire en deux heures. Du lundi au vendredi, à partir de 22h, c'est Guillon Radio 2.0 sur Énergie. Je te veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien. Habillé ou en pyjama, coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Il y a Mathieu, 15 ans, Bordeaux, de la part de la fille avec qui tu parlais sur Snap. Bisous, mon coquin d'amour. Voilà. Bisous. Salut. JM du Standard, ouais. Sa dernière demi-heure dans les 29 ans. Ouais, c'est vrai. Minuit 30 ans. T'as peur, JM Standard? Je dirais pas que j'ai 30 ans. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je dirais pas. Non, mais tu dis ça au début. Je peux pas tricher. Hein. Ouais, on repassera cet extrait dans quelques temps. 30 ans, quoi. Ah, bon, c'est marrant. C'est ça. Il y a Clément qui a passé un petit coup de fil pour parler de cul. Roméo qui est là. Dana, bonsoir Roméo. Bonsoir, Dana. Salut. Ouais, bonsoir. Salut. Il y en a un qui est le haut-parleur. Il y en a un qui est le haut-parleur. C'est toi, Dana. Non, c'est moi, j'ai pas le haut-parleur. Il y a un problème, il y a un écho. Ouais, de ouf. Non, je te jure, j'ai pas. Je m'entends trois fois en écho, chérie. Non. Alors, je te jure, j'ai pas mon téléphone qui est pourri, mais je l'ai pas sinon. Alors, baisse le son de ton téléphone. Attends. Le son est tout pourri. Comme par hasard, ça comprend. Attends. Ah, mais je sais pas comment le baisser, c'est avec le fixe. Ah, bah c'est pour ça. Ah, bah je suis désolé. Hein. Ah, ouais, oui. Non, mais là, je pourrais te faire passer, ça va être horrible. Elle a un fixe. T'as pas un écho? Un fixe? C'est le fixe. T'as pas un portable? Si, j'ai le portable. Et bah voilà. Et bah voilà, il y a une solution. Et bah oui, ma chérie. Allez, tu bouges pas 30 secondes, je t'en passe Flo des cadeaux, il va taper direct. Et puis Roméo et Clément, 20 ans, on parle de cul. Tu m'entends, Roméo, d'abord? Ouais, je t'entends, ça et va, toi ça tranquille va ou quoi, de Saint-Didier sur Beaujeu dans le 6-9, hein, Roméo, c'est ça? Salut. Voilà, tout à fait, ouais. Bon, chanté, on se raconte un peu les fois, on a eu la honte à cause de ses parents, etc. Est-ce que vos parents vous ont déjà mis la honte? J'ai mis ça, ton père, il t'a mis la honte comment ou ta mère? Ben moi, la fois où en fait on m'a mis une fois un peu la honte, c'était quand elle était venue me chercher, tu sais. Ouais. Et avec la conduite accompagnée. Pourquoi tu rigoles, j'ai stagiaire? Ah, je sais pas, il lit pas pour l'instant, donc ça va. Ouais. Mais... ça va, j'ai fait une phrase sans lire. Ouais. Non, mais arrête pas de lire, je faisais la conduite accompagnée, tu sais. Et j'arrivais pas. Je sais pas, j'ai calé 2-3 fois, elle a pris ma place, c'est celle qui a connu, quoi, mais devant les poteaux, quoi. Donc je passais pour un blaire. Ouais. Genre, je savais pas conduire. D'accord. Un blaire, c'est quoi un blaire? Un blaireau. Attends, je vais essayer de faire un effort, s'il te plaît. Non, mais je sais pas, au cas où il y en a qui sont. Bon, on va retrouver Dana de Paris. Roméo, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, alors? Oh, bon, j'adore foutre la honte à mes gamins parce que ça leur donne des bons souvenirs. Ah oui, toi, c'est le contraire, en fait. Ah, Roméo, c'est papa, c'est toi qui. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai 40 ans et bon, j'ai un gamin qui va avoir 18 ans le 23, là. Il écoute ou pas l'émission, là? Je pense pas, il est en interne. Non, ah bah non, alors, pas. Raison de plus pour qu'il écoute. Ça capte la radio là-bas. Ouais. Et alors Et donc, souvent dans les magasins, bah, j'en fais des petites blagues devant les caissières. Je suis très, comment on appelle ça, paradin, mais j'aime bien demander aussi. Chaque fois, un produit gratuit, ouais, bah, c'est des trucs. Ah, t'es comme le daron, j'ai stagiaire. Ah ouais, on est le même. Tu fais des blagues et des bligues. Tu fais la Java, quoi, toi. Ah ouais, et voilà. J'adore. La dernière fois, par exemple, j'ai mis une boîte de préservatifs dans la poche. Ah ouais, ouais, c'est, du vol, après. Ça, c'est le why, c'est et le why. Passe, c'est le why. Dana de Paris, bonsoir Dana Paris, 18 ans. Ouais. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon ça. Merci. Il est pas dégueulasse le son. Oh, c'est bon, il est mieux là, Dana. T'es pas déjà passé, toi, Dana? Eh non. Ah c'est vrai, oh là là. C'est original comme prénom. Ah, j'ai reçu le meilleur message qu'on m'ait jamais envoyé hier sur Facebook. Ah. Alors c'est incroyable. Un message privé qui me dit Guillaume, j'ai entendu que tu t'étais fait sucer une fois par une inconnue qui ne t'avait jamais parlé. Quand tu veux. C'est un appel au truc ça. Quand tu veux, c'est magnifique. C'est qui? Et aujourd'hui j'ai croisé une fille qui m'a dit exactement la même chose. Voilà. Ah tu l'as croisée donc tu l'as vu en vrai? Oui, cette fille là en fait, elle est venue me voir en bas de la radio cet après-midi. Quand je suis arrivé, elle était là. Elle a attendu, etc. Incroyable quoi. Est-ce qu'elle est belle? Elle était très jolie en plus. Ah ouais? Non. Une jolie blonde, vraiment. Et tu vas le faire ou pas? Vraiment, voilà. C'est assez incroyable quoi, l'histoire quoi. Donc ça existe vraiment comme dans les films des histoires, parce qu'à chaque fois je raconte l'histoire qu'une fille m'a pris ma main et m'a sucé le pouce dans le. Ça sert de parler de quoi l'antenne? Ah, c'est. Ouais, et là, l'histoire, elle connaissait toute ma vie sexuelle et c'était assez marrant. Ouais. Et donc c'est hyper agréable de recevoir des messages comme ça quoi. Et alors du coup. Est-ce qu'il y aura une suite? Bah j'en sais rien. Tu sais, ça se fera. Ah, on veut savoir. On verra bien comment ça se passe. À minuit, on verra. C'est en bas, au bout de l'émission. Dans une demi-heure. C'est pour rigoler en plus. Non, mais ça me fait toujours très plaisir, c'est toujours très touchant. Ah, mais t'y penses, forcément. Et toi, Dana, alors, t'as quel âge et tu viens d'où dans Paris? Eh ben, j'ai 18 ans. Ouais. Et je viens du 20e. Du 20e, d'accord, ok. Ouais. Et t'as quel métro dans le 20e? À Pyrénées. Ah, ok. Eh ben, enchanté. Salut à. Enchanté aussi. À tous ceux qui sont au 20e, alors pas de problème, Dana. Merci d'appeler. Hein. T'es parisienne de base ou t'es venue habiter après? Non, je suis parisienne de base, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, bah on joue. Ouais. Psychologiquement, t'es stable? Ouais, ça va, je pense que ça va, ouais. Ouais, t'es une meuf un peu qui peut, genre, tu peux être dangereuse un jour ou pas? Non, franchement, je pense pas, mais après, ça dépend de la situation quand même. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être dangereux et vriller un jour dans votre vie? J'aime ça, ouais, franchement. Ouais, évidemment. Nata, tu t'es dit oui? Ouais. Ah, tu peux être dangereux un jour? Ouais, je pense, ouais. Genre, tu devrais être fiché S, est-ce que tu penses que tu devrais être fiché S? Non, mais dangereux tout seul. Non, c'est sécurité de l'État. Non, mais fiché S, c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a un mec qui en a parlé sur BFM. Absolument pas. Ah non. Fichier S, c'est du terrorisme. C'est sécurité de l'État, ça n'a rien à voir. Non, fichier S, et après, si tu es fou, t'es pas fiché S. À l'intérieur, bien sûr. Tu peux un pédophile, par exemple, il n'est pas fiché S. Eh bah, complètement. Ah bah non. Pas pour moi. Fiché S, c'est terrorisme. Après, fiché y a S comme sécurité de l'État. Un mec qui est dangereux pour la sécurité de l'État. Ah ouais. Pour moi, fiché S, c'est que le terrorisme. Bah, un mec qui a tué, par exemple, genre, j'en sais, est-ce que Marc Dutroux, s'il sort de prison, il est fiché S? Je pense que oui. Non, sérieux, le fiché S, c'est pas que les terroristes, hein, c'est les personnes qui sont. Un quart des fichiers S, c'est terroriste. Je veux pas dire que ça. Il faut savoir que vu que vous êtes 1 million et quelques, il y a forcément des mecs spécialisés dans la fiche. Il y a peut-être le mec qui imprime les fichiers S. Bah, s'il peut appeler pour réagir. L'imprimeur de la fiche S qui écoute et qui sait. Ou l'inventeur, mais. Ouais, dis-nous s'il y a des flics, là, si vous savez. La fiche S, c'est quoi? Est-ce qu'on peut être fiché S juste parce qu'on est, genre, on peut taper quelqu'un dans la rue parce qu'on est un peu instable psychologiquement? Genre, est-ce que c'est possible? Bah, attends, non. Fiché S, c'est moi-même, tu vois, genre je pense que je peux me taper un jour la tête contre un mur ou quoi. Ah ouais, d'accord. Et ouais. Non, mais toi t'es bizarre. Ouais, c'est sûr. On a une équipe de fada. Ah oui, il sent ça. Est-ce que tu penses qu'un jour tu peux être dangereux? Non, pas forcément. Non, je peux être colérique, un peu nerveux, mais de là à basculer, je sais pas. J'ai déjà pensé, évidemment, mais je sais pas. Oui, peut-être comme tout le monde, mais après je suis fragile comme tout le monde. Ouais, ça dépend des humeurs, des problèmes de la vie. Mais Julia, est-ce que tu peux être dangereuse un jour ou pas? Moi, quand j'étais plus jeune, après une forte fièvre, j'ai fait une crise de délire où j'étais plus consciente de ce que je faisais. De démence. J'avais des hallucinations à cause d'une fièvre. Mais qu'est-ce que t'avais? Tu voyais quoi? Je voyais, c'était spécial, je voyais mes cousines sauter sur ma langue, c'était très bizarre. Ah ouais. Mais c'est un fantasme, un peu. Ouais, j'avais des hallucinations de ouf, ils ont appelé le SAMU et tout, mes parents. Ouais, d'accord, ok. Putain, la vache. On se raconte un peu des histoires. Flo des cadeaux, fiche S, tu regardes là? Ouais, je regardais ce que ça comprenait exactement, et c'est des gens qui font partie de groupes qui peuvent nuire à l'État. Ah ouais. Donc ça peut être des groupes d'extrême droite, des djihadistes, des groupes d'extrême gauche. D'extrême gauche. Et donc ça peut être fiché S dans tous les cas. C'est des gens qui font partie de groupes, en gros. Ah ouais, d'accord. Mais en fait c'est rempli de plein de sous-trucs. Ouais. Les fichiers S. D'accord. Des sous-trucs. Mais qui t'explique hyper bien. Des sous-trucs. T'as le fichier V, t'as le fichier M, t'as le fichier T. Ah ouais, là, tu peux être fichier. Ouais, fichier A ou pas? J'ai essayé un fichier P. Pourquoi? Sur la suite, c'est quoi? Fichier P, pourquoi? Et une autre lettre. La vie qui m'a dit devait être sûrement Virginie. Non, elle s'appelait pas Virginie, non. J'ai essayé les fichiers Z comme Zizi. Salut, tellement il en prend. Je peux vous certifier que fichier S, ce n'est que des personnes liées au terrorisme. Bertrand du 16e, salut Bertrand. Ah, salut Bertrand. Je me suis pris la honte car je me suis fait choper par mes parents pendant que je me faisais déglinguer par deux mecs, j'ai un stagiaire. Greg du 13. Salut Greg. On était, ma mère et moi, en Espagne, en Grèce, et ma mère est partie à l'hôpital parce qu'elle était trop bourrée. C'était la honte. Salut Cédric d'Alsace. Ouais. Salut. On va parler de sexe après là. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi, Dana? Eh bien, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, ma mère et moi, on est partis dans un parc d'attractions. Ouais. Et on avait fait la queue pendant 2 heures, parce qu'il y avait une nouvelle attraction qui venait de sortir, etc. C'était la plus ouf et tout. Et donc, on attend, on arrive, et au moment de monter dans les wagons, ma mère, on monte, et en fait, elle se décide qu'elle n'a pas envie de le faire, qu'elle attend le prochain wagon, parce qu'elle a trop peur, etc. Donc le premier wagon il part, et puis dans le deuxième elle remonte, elle met au moins 5 secondes et puis elle dit non, je vais pas le faire. Et elle fait ça au moins pour 3 ou 4 wagons. Le truc c'est que les machines elles doivent partir très vite et qu'elle, elle mettait trop de temps à se décider, ce qui a fait que ça a bloqué la machine, ça a bloqué l'attraction, qu'on a dû sortir par l'issue de secours. C'était où ça? À Disneyland. Ah ouais? Merde. Ouais. Et ça t'a un peu fait chier parce qu'elle a bloqué l'attraction devant toi et devant tout le monde quoi. Ouais, mais c'est clair, mais c'est juste que quand tu sors, t'as les haut-parleurs où il y a écrit l'attraction est bloquée, etc. T'as toutes les personnes qui te regardent, etc. Enfin, c'est la honte, quoi. Ouais, normal. Ouais, tout le monde a compris que c'était toi qui avais bloqué le truc. Putain, moi, vraiment, là, l'autre fois, je suis allé à Disney, ça m'a choqué. Il y a une fille qui se mettait des patates dans la gueule, quoi. Ah merde. Je lui ai raconté. Elle se mettait toute seule. Elle était un peu en crise de démence aussi. Ah, je pense qu'elle avait un syndrome, genre. Une maladie. Pas la tourette, mais des. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pas des tocs, quoi. Elle se mettait des vrais coups de poing. Ça faisait des bruits de coups de poing, ça faisait vraiment. Et personne n'arrête. Non, mais vraiment. Et c'est vrai. Et sa mère, elle la tenait par le bras pour lui dire d'avancer. Et elle hurlait. Et se mettait des. Vraiment, c'était. C'est ça, quoi. Et moi, je l'ai regardé et j'avais peur qu'il me frappe, quoi. Tu te dis, tu sais, une meuf qui est tarée à côté de toi. Ah bah, elle vrille. C'est pas très Disneyland. Et tu te dis, putain, c'était, ça m'a vachement impressionné. Et je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, là, cette pathologie, mais putain, c'est. Ah, c'est compliqué, je pense. Je sais pas, un peu des crises de folie, quoi, tout simplement. Ouais, genre possédé, ouais. Salut Guillaume, non, fiche S, il y a que des terroristes. Il y en a qui dit que c'est que des terroristes. Hein. Bon, après, il y a eu un message qui dit ça. Ouais. Mais Guillaume, ouais. Tu veux que je te dise un truc? Ouais, vas-y, dis-moi un truc. Truc, ouais, hein, c'est que le pire, c'est que quand on est sorti par l'issue de secours, il y avait du personnel de l'attraction qui était dehors en train de fumer. Ma mère, elle sort tranquille, en train de leur taper la tchatche, etc. Les gens, ils pas tranquilles, ils disent non, mais on se rend pas compte et tout. Les gens qui ont peur, faut pas faire ce type d'attraction. Tranquille, alors dit non, mais c'est vrai, vous avez raison et tout, patati patata. Il y avait le mec là qui s'occupait de placer les gens dans le wagon qui sort par l'issue de secours en disant écoute, madame, si vous avez une phobie, faut pas faire ce type d'attraction. Et de là, je peux te dire que le personnel, ils nous ont regardé du type mais madame, vous avez pas honte et tout. Ah, est-ce qu'elle aime ces gens et s'intégrer à l'extérieur? C'est pas elle, quoi. Elle faisait genre, c'était pas elle. Ah, c'est normal. Je fais pareil. J'ai fiché pute, merci. Il y a Clément qui est là, Clément, 20 ans alors, ça va Clément. Allô. Papa. Bonsoir Clément, bienvenue. Bonsoir, Clément, l'inventeur de la photo que tu fais ton idole et où tu fermes les yeux, quoi. Exactement, t'as compris. Qu'est-ce qui t'arrive Clément? Eh ben toujours la même chose, hein. Troisième fois que je reviens, c'est de... Ah oui, mais c'est ton planète rap. J'avais oublié. Ça fait trois fois qu'il y a, parce qu'en fait le sujet il est énorme et vous êtes tellement nombreux à nous appeler qu'à chaque fois on veut relancer le sujet pour expliquer pourquoi t'avais appelé et tout. On parlait d'une réaction inattendue et originale d'un de vos partenaires. Toi c'était une meuf qui avait fait le bruit de cochon, je crois, pendant que tu faisais l'amour, ouais, c'est ça? C'est cela, hein. Bien. Exactement, à peine. Et je me rappelle très bien. Et en fait, tu t'étais tapé un fou rire. Pareil, est-ce que vous avez déjà eu une réaction originale d'un de vos partenaires? Vous faisiez l'amour avec quelqu'un et vous étiez en train de la prendre, la fille, ou de vous faire prendre vous les chéris. Et à un moment donné, il se passe un truc. Et je sais pas, le mec trop bizarre, genre il se met à se moucher dans vos cheveux. Il se met à manger vos cheveux. Met la langue dans l'oreille. Ah bah ça, ouais. Bon, on m'a fait un truc d'il y a pas longtemps que j'adorais. Un léchage d'oreille. Ouais, une sorte de léchage de l'extérieur de l'oreille. Le lobe. L'extérieur. Ouais. Attends, et en fait j'aimais pas ça. C'est un point G, hein. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Ah ouais. Et Guillaume. C'est vrai, ouais Clément. Guillaume, ouais, je veux dire un truc, c'est par rapport au sujet d'avant. Mon père, il est gendarme. Et un jour, il va devant le collège à ma sœur. Et au micro, il l'a appelé. Il fait alors, on fait pas un bisou à son papa avec le micro en tenue de gendarme. Avec, Dans la voiture, là. Dans l'estafette. Ouais, avec la gendarmerie. C'était pas mal, sincèrement. Ah, c'est rigolo. Toute la honte. C'est drôle. Avec la voiture de flic et tout. Oh putain. Alors, on fait pas un bisou à papa? Oh putain. Il est marrant, ton père, pour faire ça. Ouais. Ouais. Assez. Ton père, il est dans la gendarmerie à Castres? Ouais. Ouais. J'ai un stagiaire, elle est fichée S comme salope. Arrête. Fichée pute, fichée salope. Ah, il y en a qui dit je suis fichée S pour hooliganisme au PSG. Il n'y a pas de fichée S pour les hooligans. Bah, apparemment, on va t'appeler. Mais comment normalement, vous savez pas quand vous êtes fichée. Vous savez qu'on sait qu'on est fichée S? Bah, non, je sais pas. Attends, on t'appelle. Le fichée S là. Guillaume, et votre message si vous êtes fichée S. Aussi, sans doute, je vous appelle pour savoir pourquoi. Parce qu'il y a plein de motifs, apparemment. On se fait Sliver Lining, là, le nouveau Clap Your Hands de Imani. Et on prend vos réactions. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour? Et une expérience sexuelle, une réaction originale de l'autre pendant que vous faisiez l'amour, on en parle maintenant. Guillaume et votre texto au 612, j'attends vos numéros, je vous appelle moi-même pendant la musique d'Imani sur Énergie. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes. Not always. shame to ask for help, and there's always hope in a lending hand. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands. Take a chance, take a chance, don't be scared to make a change. Take a chance, take a chance, don't be scared to make a change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, ask for change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, trust me, clap your hands. N'imaginez pas tout ce qu'on peut faire en deux heures. Du lundi au vendredi, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, retour à l'antenne. Bonne nuit les mecs, Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Il y avait Clément qui était avec nous de Castres, toujours, qui nous racontait... Ton daron, il est gendarme, c'est ça? Oui. T'as déjà raconté une histoire un peu intéressante qu'il est arrivé en tant gendarme ou pas? Une histoire, un truc de fou? Truc de fou, bon, pas vous dire après je, en fait, je pourrais pas vous dire, je sais pas, ouais, truc de fou, non, mais après je peux vous dire qu'exemple mon nom de famille, il a été tagué je ne sais combien de fois sur des murs quoi. C'est vrai? Ah merde, c'est, il est pas bien. Que gendarme, ouais. Alors non, il est un peu haut placé. Non même pas, il est gendarme simple. Et comment ils ont su son nom de famille, les gens? Eh ben, le gendarme, il est obligé, enfin, quand on se fait arrêter par le gendarme, ben, il donne le nom de famille, obligatoire. Ah ouais, d'accord. Ah bon? Quand on se fait contrôler, sur les papiers, etc. C'est vrai, le nom de famille, je savais pas. Mais ouais, c'était pas un numéro de matricule, genre un numéro, un chiffre? Oui, il y a le numéro de matricule, c'est maintenant, mais avant, oui, c'était prénom, nom de famille, etc. Ah ouais. Ensuite, moi, le truc, c'est qu'avant, j'habitais à côté de Grenoble, et à côté de Grenoble, dans un petit village à 5000 habitants, Tout le monde connaît quoi, donc voilà. Ouais, tout le monde sait comment il s'appelle. Ah, c'est Philippe, le gendarme. C'est ça. Ouais. Pierrot, le contrevenant. salut Guillaume, moi j'ai une fiche aux fiches. Je mange trop de poissons, merci à toi. J'ai essayé les fiches cul cassé. Merci beaucoup, Rémi du 26. Salut Rémi. J'ai couché avec un garçon, appelle-moi Laura de Toulouse. Bah, laisse ton numéro, Laura de Toulouse. Moi je me suis déjà pris une pêche sans faire exprès après gros faux rire, voilà, pendant l'amour. Ah merde. On se raconte les réactions quand on a fait l'amour à quelqu'un, ce qui nous est arrivé. Moi j'ai une petite histoire à raconter avec ma meuf, si tu veux. Elle a une réaction pas mal. Si tu veux savoir la suite, appelle-moi. Eh ben, y a pas de problème, je vais t'appeler. Vous me laissez vos numéros de téléphone. Je vous appelle comme Dario, 22 ans de Belgique. Bonsoir Dario. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va ou quoi Dario? Enchanté mec. Ça va, ça va. Merci, ça va, de super, passer merci. Un coup de fil, hein. Merci beaucoup. Tu fais quoi dans la vie à 22 ans, t'as Dario là du coup? Moi je suis agent de sécurité pour les stations de métro à Bruxelles. Pour les stations? Ah d'accord, ok. Enchanté. Dans quelle station tu bosses? T'as des stations en particulier ou pas? Ben en fait moi c'était pour intervenir sur les histoires sexuelles, en fait. Sur les quoi? Sur les histoires sexuelles que j'ai eues. Ah non, quoi, je te parlais dans le métro, dans le métro là. Ton boulot, comment ça se passe? Ah ben ça se passe super bien, moi j'aime bien quoi. Ouais. Mais tu bosses sur certaines stations en particulier de métro ou t'es sur toutes? À peu près tous, pas tous totalement, mais la plupart oui. Ok, très bien, bon vas-y, bon, enchanté. On va retrouver Alexis, 16 ans après. Et apparemment une histoire de fou avec sa meuf. Ouais. Mais d'abord, alors toi mon Dario, déjà passé à l'antenne des Cossines ou jamais? Pardon? T'étais jamais passé avec nous à l'antenne? Non, jamais, c'est la première fois. D'accord, c'est le dépucelage. Ah, on avait pas encore une dépucelage. Salut. Ouais. Et des fois, on est dépucelage en série. Ouais. Et des fois, y a pas de dépucelage. Et ben là, qu'est-ce qui t'arrive alors? C'était quoi ta réaction étonnante de ta meuf quand tu lui faisais l'amour? Ben en fait, c'était pas ma meuf, c'était une fille que je connaissais pas. En fait, j'étais avec un ami et donc il m'a demandé pour aller voir deux nanas. Donc moi, j'ai dit ouais, pas de problème. Donc on va voir les deux nanas. Et puis, on passe la soirée, on boit de l'alcool et tout ça, on était un peu torchés. Et puis, il y en a une des deux qui m'a sauté dessus comme ça. Et mon pote, il m'a laissé tranquille avec cette fille. Et puis, tout d'un coup, elle me demandait de lui arracher les cheveux, mais vraiment très fort. Donc, attends, moi, mais t'étais où là? Moi, j'étais chez elle. Je la connaissais. En fait, mon pote connaissait cette fille-là. Donc on a été chez elle et tout ça. Et alors, mon pote me laisse avec cette fille. Et alors, elle commence à me sauter dessus. Et elle me demande de lui arracher les cheveux. Alors, moi, voilà, je le fais. Mais c'était pas assez fort pour elle. Donc, je lui arrachais les cheveux. Mais limite, je pouvais avoir ses cheveux en main, quoi. Alors, après, elle me disait, ouais, étrangle-moi, nanani, nanana. Donc, je le faisais, comme c'était, comme elle aimait bien, quoi. Mais alors, elle me demandait. Enfin, ça m'a coupé parce Attends, que. Attends, mais c'était juste une pote et t'as dit, tire-moi les cheveux comme ça. C'est violent. Ouais. J'étais en train de le faire avec elle, quoi. Et alors, elle mais m'a tu demandé. Tu la connaissais de pas le matin, genre? Non, je la connaissais pas du tout. Pas du tout. Ouais. Bah, c'est un chiffre qu'elle voulait non, faire. Non, c'est une fille qui aime bien l'amour un peu sec. Il y en a plein. Brutal. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça m'a coupé parce que, elle me demandait. Me demander des choses vraiment, voilà quoi. Quand elle me demandait de l'étrangler, c'était vraiment. Enfin, je l'étranglais vraiment, quoi. Elle kiffait vraiment, mais moi, ça m'a coupé, quoi. C'est vrai, t'aimes pas trop quand c'est un peu. Non, pas trop. Si elle veut, la fille. Ça va, mais trop, voilà quoi. Ouais, mais c'est vrai. Dès la première fois, je pense que ça peut surprendre. Ouais, je sais pas. Ouais, si tu l'aimes. Ça m'a surpris. Ah non, ça dépend. Justement, si c'est un plan cul avec qui j'ai discuté un peu avant. Un plan cul, c'est plus facile. Qui me dit, tiens, il y a ça, j'ai envie que t'arrives, que tu me fasses ça, que ça. Bah, franchement, au contraire. Bah ouais, t'en fous. Moi d'ailleurs, je préfère. Je me suis fait mordre l'oreille tellement fort quand elle a joui, ma copine, pendant l'acte, que j'ai saigné. Salut Lilian. Ah putain, c'est la merde ça. C'est rigolo ça comme histoire. On va retrouver Laura qui vient d'appeler. Il y a Laura de Blagnac et Alexis de Pona. Vous êtes nombreux à nous appeler là. Et la fille, qu'est-ce que tu lui as fait après? Alors, tu l'as étranglée, qu'est-ce que t'as fait d'autre? C'est un peu, c'est tout ce qu'elle m'a demandé, quoi. Mais rien que l'étrangler, tirer les cheveux, elle me demandait tellement fort que, moi, ça m'a coupé parce que, c'est pas ce que je kiffais le plus, quoi. Et alors aussi, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que, en le faisant, elle m'a mordu la lèvre, mais elle me l'a mordu tellement fort que quand on a eu fini, mon pote, il m'a regardé, il m'a dit, mais putain, qu'est-ce qu'elle t'a fait à ta lèvre, quoi. Ma lèvre avait gonflé, avait doublé de volume tellement qu'elle m'avait mordu, quoi. Ah ça m'arrive souvent. Ah non, ouais. Ah ouais. Un peu, non mais pas, moi j'aime pas ça trop saigne. Mais il y a des filles qui mordent un peu les lèvres. Ouais, fort. Et je trouve pas ça agréable, moi. C'est vraiment, ça fait juste mal et il y a pas de plaisir du tout. C'est comme les tétons, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Non, c'est vrai, ça t'est déjà arrivé, toi, j'aime ça de faire mordre un petit peu quelque chose. Ouais, pareil la lèvre. Et franchement, c'est pas agréable. Moi l'oreille, j'aime pas. Ça me fait mal, quoi. L'oreille, j'adore qu'on me la lèche, en fait. Ouais, lécher mais pas mordre. Juste passer la langue dessus, pas lécher vraiment, mais juste à peine passer la langue dessus là. Ouais, sensuellement. À l'extérieur comme ça. Oh là là. Avec, moi j'adore, c'est m'allonger sur le ventre. Et tu sais, genre après l'amour ou quoi, que la fille monte sur moi, tu sais, ça fait un peu comme une couette humaine. Ouais, qui te lèche l'oreille, quoi. Tu sais, t'es un peu sur le lit. Après l'acte, elle te fait les papouilles. J'adore. Les papouilles. Elle te fait les papouilles. Guillaume, elle te fait les papouilles. Il est dégoûtant, je dis le standard. C'est bon, ça. Il est répugnant. Le mot papouille, comme ça, là, ça fait un peu mielleux. Moi, j'aime pas les mots mielleux. Flo des cadeaux, tu dis papouille, toi, non? Non, là, ça dégouline. Ça dégouline sur le corps. Des caresses, quoi. Voilà, des caresses, des petits câlins, une petite caresse, quoi. Bah ouais. Et pas des petites des papouilles. On dirait que tu cherches des poules. Merci, Julien. Bah oui, c'est vrai. Ah, ils sont deux. Sur les cuisses, machin, c'est bien. Ouais. Non, mais elle, c'est une fille, c'est pas pareil. Mais c'est les filles qui me demandent ça. C'est les filles qui me demandent des papouilles. Je suis un distributeur de papouilles. J'ai des papouilles à Je laisse agir, tu dis papouille, toi, non? Pas du tout. Tu utilises ce genre de mot? Alors, moi, j'ai un mot, c'est gratouille. C'est pire ou pareil ou moins bien. Oui, une petite gratounette. Les gratouilles, voilà. Une gratounette. Voilà, c'est mon mot. Gratouille. Ouais, une petite gratouille. On se fait des gratouilles et voilà. Alors, entre l'autre qui fait des gratouilles et l'autre qui fait des papouilles. Ah ouais. Des petites mamouilles. Tu vois des petites mamouilles? Les mamours. Non, mais moi, je l'appelle. J'aime le standard quand il a une meuf, il l'appelle Moumoun. Non, même pas. C'est maman, même pas. Je lui donne pas maman. Il l'appelle Mamoun. Mamoun. Non, tu dis pas le pseudo un peu mignon, non? C'est vrai, comment tu l'appelles quand tu sors avec une meuf? À part son prénom, non, c'est vrai. Mais non. Oh là là. Ah, j'ai mis le petit nom, non? Non, franchement. Ouais. Ouais, je te jure. Pourquoi? Bah, je sais pas, je reste pas assez longtemps. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Bon, attends, c'est même au bout de deux mois, moi j'aime bien l'appeler. Tu sais, mon petit chou, un truc comme ça. Mais j'aime bien trouver un nom en fonction de la meuf. J'ai un nom, non, je vais stagiaire. Moi, c'est un genre. Pseudo, un pseudo ouais. un peu marrant que t'as donné à une meuf. Moi, c'est un peu honteux. Petite fleur. Comment ? Petite fleur. Petite fleur, c'est tellement ridicule que j'arrive même pas à le dire. Pas. Non, mais à la radio, ça fait bizarre de le dire. Non, petite fleur. Non, c'est pas petite fleur. C'est pas petite fleur, c'est petite fleur. Voilà, je comment ? Petite fleur. Petite fleur. Allez, genre, au réveil, je la caresse un peu, tu vois, au niveau de la joue, je lui dis petite fleur. Ah, c'est mignon, ouais. C'est mignon. Ouais, c'est un peu. Non, c'est mignon. Non, c'est pas nul. Bah, ouais, moi, je suis. J'ai trouvé ça, c'est justement assez mignon. Ouais, ouais. J'ai vu ça, c'est papouille. Ouais, bonsoir les papouilles. Papouille pour tous. Flo Nicalo, comment t'appelles quand tu sors avec une meuf? Moi, c'est des trucs genre chat ou chaton. Ou des trucs on est dans le basique là. Non, c'est mignon. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Jim Sandra? Bah, ça va. Je le vois pas dire chat en fait. C'est surtout ça. Petite fleur chat. Attendez, bougez pas, parle de cœur. Guillaume, il y a votre message aussi, sans doute, je vous appelle. Un concert sur Snapchat. Ce sera une première. Et Énergie vous y invite. Le premier concert sur Snapchat accueille Black M. Bienvenue chez moi. C'est Black M, rendez-vous ici pour le premier concert Snapchat Energy. Pour y assister, abonnez-vous au compte Snapchat Energy Radio. Et soyez là demain à 18h30. Le premier concert Snapchat Energy avec Black M, c'est demain. Energy Hit Music Only. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais t'es calé ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Amour, travail, santé. Tu te poses des questions? Destin au 7-20-12. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, INRJ. Les deux meilleures heures de la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, il est 23h54. Bon anniversaire à tous les concernés aujourd'hui, le 21 septembre. Bon anniversaire à tous les potos. Là. Un joyeux anniversaire. J'ai couché avec un garçon qui, à un moment de l'orgasme, m'a crié « Oh maman, sois calme ». Mais non. Salut Laura. Non, j'y crois pas. Une seconde. Oh maman. Ma meuf m'envoie des photos hot tous les soirs sans que je demande. J'ai 15 ans et à la fin, elle se doit te merci beaucoup. Bah c'est bien. Je vais t'appeler si tu veux. Ouais, bah ça fait plaisir. Hein. Bah ouais. Moi, j'ai explosé le terrain de ma meuf pendant mon sommeil. Salut Mamat. On va t'appeler Mamat. Salut, ouais, salut. Je viens de terminer en gendarmerie. Appelle-moi concernant les fiches. Hey, salut Justine. Ah, on va t'appeler. Ouais. Il y a mordre et mordre. Quand les dents effleurent les lèvres, ça reste sensuel. Salut Agnès. Ouais, mais bon. Oui, non, mais il y a mordre jusqu'au sang. On n'est pas de la viande. Hein. Aucun intérêt, quoi. Non. JM du standard, il appelle ses chéris Pachol. Voilà, il dit. Il y a mordre et mordre. Voilà, salut, JM appelle son mec mon chibre d'amour. Ah, pas du tout. J'ai un stagiaire. Moi, j'adore me faire lécher les tétons par ma meuf. Salut, ouais, ouais, ouais. J'ai un stagiaire, lui, c'est le genre de mec qui envoie destin au 72-012. Pas du tout. Non, n'importe quoi, pourquoi j'en arrête ça. Plein de messages qui arrivent là. Merci beaucoup pour les messages. On va retrouver Laura, 28 ans, à Blagnac. Bonsoir Laura. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Bonsoir Laura. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Laura de Blagnac à côté de... T'étais là à Toulouse le 14 juillet lors du concert Énergie? Oui j'y étais, ah ouais. C'est vrai? Ah là là, c'était bien. Trop bien. T'étais où toi d'ailleurs dans la... Non c'est vrai, t'étais là ou tu fais genre? Non j'y étais. T'étais où? Une copine qui m'y a amené. T'étais où? Non, en fait, on était pas loin de la scène, en fait. C'était vachement bien. Du coup, on est arrivé hyper tôt. On a posé la matinée parce que moi, je travaille. Ouais. Et du coup, on est arrivé hyper tôt. On avait prévu pique-nique et tout. C'était super. D'accord. C'était dans quel lieu déjà? Comment ça s'appelait? Je sais plus du tout. Ah. Il y avait qui? J'ai l'impression que tu mens. Ouais. Parce que ton sujet, déjà, j'y crois pas une seconde et je me dis, c'est bizarre. Alors pourtant, je te jure, c'est vrai à 200%. Non, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Mmh. Tu fais quoi dans la vie, Malora? Je suis animatrice scolaire. Animatrice, très bien. Bon, enchantée. Hein. Ouais, c'est vrai. Écoute, ça fait plaisir. Hein. Et t'as vu qui comme artiste sur scène? Tu l'as bien attrapé d'un artiste qui était là le 14 juillet à Blagnac, à Toulouse? Très très peu en fait. Rihanna? Ah non, c'est pas possible. Pas. Non, t'y étais pas. Non. Bieber? Il y avait tous les plus gros. Ah, il y avait tous les plus gros. T'y étais pas?